19h-20h, c'était la Playmix sur Fun Radio. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain en direct pour une nouvelle émission. Vous avez envie que votre playlist passe sur Fun Radio, mixée en plus par Oxun ou Nicky Sanchez. Vous envoyez votre playlist, les sons que vous kiffez, sur le 3044 ou sur mon mail sami@funradio.be. L'équipe de choc est rentrée en studio. Mike et toute la clique, comment ça va? Bonsoir Sami, bonsoir Oxun, ça va bien? Ben ça va, tranquille. Je vous ai vu dans le studio, vous étiez déjà en train de danser là, tout fou. On est très chaud ce soir. Jusqu'à 23h, on est parti là. Il y a quoi de prévu ce soir? Ce soir, il y aura du Lorenza full bordel, il y aura de la baston à la radio. Si vous avez envie d'énerver un de vos proches, vous nous envoyez un petit message au 3044 et puis on s'occupe de ça. On est parti jusqu'à 23h sur Fun Radio. Encore une longue journée qui s'achève. Vous pensiez rentrer tranquillement chez vous? Vous pensiez passer une soirée calme et paisible? Yeah! Et si ce soir, tout changeait? Et si subitement, votre existence tout entière prenait un autre sens? Change your life. Et si vous recommenciez à vivre, à rigoler, à vous exprimer, vous amuser, vous défouler? Et si dès maintenant, l'avenir vous souriait? Yeah! Fini les soirées galères. Aujourd'hui, un vent de liberté souffle sur la Belgique. A space of freedom and no judgment. Freedom and no judgment. Vous ne serez plus jamais seul. It's a family. L'heure est venue de l'ouvrir. 02 851 4x0. Libertad. Mike. Le soir sur Fun Radio. Allez, on est là, bonsoir la Belgique, bienvenue tout le monde. 20h sur Fun Radio, 21h, c'est parti jusqu'à 23h. 3h de conneries en direct à la radio. La meilleure des solutions pour terminer la journée en détente, en bonne humeur, avec ma petite Lorenza qui est là en face de Hello. Moi. Ça va bien Lorenza? Ben non, je suis super triste. Yeah. Il m'est arrivé un truc de ouf hier soir. Attention. Alors, comment on sait chez moi à Braine-l'Alleud, dans mon petit studio, que c'est la fin de l'été? C'est quand mes proprios rallument les radiateurs. Et quoi? Ah oui, là, ça, c'est voilà, la tasse. Ah, oui, et là, c'est vrai. Je suis et là, tu prends conscience que ça y est, la rentrée est passée. Voilà. Et ça y est, l'été est derrière toi. Et oui, la pluie est revenue, voilà. Bon, voilà. On est là, en tout cas, sur Fun Radio, avec ma petite Coralie qui est là pour décrocher au standard. Bonjour Coco. Bonjour. Le numéro pour appeler ce soir? 02 851 4x0. Sachez-le, cette émission est aussi diffusée en prison. Comme ça, les gens qui en sortent n'auront plus jamais envie d'y retourner. Very old. Vas-y, sûr. Il y a du Sand & Floor qui arrive sur Fun, DJ Khaled, Justin Bieber. Ouais, la best music. Ça arrive dans quelques instants, il y aura Alvaro Soler aussi. 3044, vous balancez vos messages. S'il y a des sons que vous voulez vous écouter aussi, on est là pour ça. Il y aura du Ed Sheeran avant 21. On parlera dans quelques instants. Je sais pas si t'as vu, il y a une météorite qui va passer pas très loin de la Terre vendredi. Ah bon? Non, le 10. Donc je sais pas si c'est vendredi, mais en tout cas le 10 septembre. Oui. C'est lundi, je crois. On en parlera dans quelques instants de ce phénomène spatial. Pour le moment, on va accueillir notre première auditrice qui est là. C'est qui? C'est Laetitia. Salut Laetitia. Salut. Hello. Ça va bien Laetitia? Ça va super. Bon, t'as passé une bonne journée? Ouais, un peu galère, mais ça va. Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Ah non, mais c'est une journée de fou. J'emmène mon homme au travail, je rentre, je mets pour mettre les enfants à l'école, je suis arrivée en retard au travail. Merde. En sortant du travail, j'ai dû manger que la moitié du sandwich parce que je devais courir au dentiste. Ah, la dentiste, et t'as le droit, je suis dentiste à la fameuse roulette, là, tu sais, le zzz, la roulette, là. Putain, ouais, à fond, et j'avais la lèvre toute gonflée, là, je n'avais même plus parlé, c'était une catastrophe. Mais mon dentiste, pareil, ça fait des années que j'ai envie de lui dire que c'est un vrai con, mais comme il a la roulette, j'ose pas, tu vois, parce que c'est quand même. C'est l'arme, quoi. Et en plus, tu baves quand t'as la lèvre tout endormie, moi, je bavais comme ça, c'était dégueulasse. Du coup, je dis, j'essaye de fumer une clope, ben non, c'était pas la peine, parce que je savais même pas boire du coca, rien. De toute façon, fumer, c'est mal, c'est pas bien, donc c'est bien. Et donc, du coup, la journée se termine quand même bien puisque t'écoutes la radio, t'écoutes Fun. Ah ouais, tous les jours. Hein. Bah, ça fait plaisir. Tu voulais passer un big up, ma chérie? Mais en fait, voilà, moi j'ai eu des places de cinéma chez vous pour aller voir l'avant-première et j'ai envie de les offrir à quelqu'un. Ah, pour aller voir La Nonne, on a filé moi, ça dimanche. Ouais. Ah, La Nonne, c'est quoi? Vas-y, rappelle un peu. C'est un film qui va sortir, on vous envoie pour l'avant-première, c'est un film d'horreur. Et alors, IMAX, on vous envoie aussi des places aujourd'hui. Donc, ça ferait double place, là, 4 voilà. places. Ah, donc tu remets ça en jeu, tu sais pas y aller? Mais non, je sais, c'est trop loin, en fait. J'aurais pu y aller parce que c'est mes films préférés. Hein. Je voulais absolument le voir. Ça aurait été surtourné, je dirais que j'y allais. Mais là, c'est vraiment, allez, 1h30 de route, quoi. Eh ben, tu sais quoi, grâce à ta générosité, tu remets ça en jeu. Anaïs, on va. C'est Laetitia. Laetitia, pardon. on va offrir les places à la personne qui va s'inscrire maintenant. Le premier message possible. Qui arrive là au 6322. Voilà, c'est ça que je me disais. Le premier qui appelle ou le premier message, ben, allez, donnez-lui ma place. Vous envoyez fun au 6322 alors, et le premier qui arrive, on lui offre les places. Alors. On fait un petit jeu quand même pour valider les places, mais évidemment. Bon, c'est anecdotique. Bon, ouais, je te fais des gros bisous. Merci, ma petite Laetitia, en tout cas. Voilà, ben moi je vous fais plein de gros bisous, et je fais plein de gros bisous à toute ma famille, mes amis, et à mon homme Geoffrey que j'aime. Eh ben c'est passé. C'est trop mignon. Bisous à la famille pour nous, ok. À bientôt, Laetitia. Bisous. Moi, 20h06 sur Fun Radio. Bien en forme, Laetitia, ça fait plaisir pour commencer l'émission. Il y a Anaïs qui sera là dans quelques instants. Salut Anaïs. Et déjà là. Anaïs, non, Coralie est devenue toute rouge. Allô. Ça va, Anaïs? Ça va, et vous? Bah oui, tranquille. Bon, bienvenue dans l'émission, ma chérie. Toi, tu appelles de Namur, tu as 17 ans. Oui, c'est ça. Et t'es fan d'Harry Potter? Oui. Oh, quel bon goût. Ah, on aime ça. On va en parler ensemble dans quelques instants sur Fun Radio. Tu voulais nous dire un truc par rapport à ça, on en parlera. Vous débarquez vous aussi en direct, on est là pour vous les amis. 02 851 4x0. Le Facebook c'est open aussi, les petits messages en privé on les lit à l'antenne. Voici Justin Bieber sur Fun Radio, on est là en direct. We the best music. Another one. DJ Khaled. You stick out of the crowd, baby, it's a no-brainer. It ain't the hard to choose. Him or me, be for real, baby, it's a no-brainer. You got your mind on loose. Go hard and watch the sunrise. One night, it changed your whole life. Pop top, drop top, baby, it's a no-brainer. Put him up. This whole time, I blow the brains out of your mind. And I ain't talking about physically, I'm talking about mentally. She look like she nasty. She look like she classy. She look at her dancing. Look at her, she look at. I took her to the mansion. You stick out of the crowd, baby, it's a no-brainer. It ain't the hard to choose. Him or me, be for real, baby, it's a no-brainer. You got your mind on loose. Go hard and watch the sunrise. Change your whole life. Pop top, drop top, baby, it's a no-brainer. Put 'em up if you're with me, yeah. In the middle, put 'em high. Don't look rich, I ain't got no chain. Not on the list, I ain't got no name. But we in it, bitch, I'm not too lame. And I keep it Ben Franklin, I'm not gonna change. A lot of these old messy. I just want you and your bestie. I don't gotta answer, but whenever you text me, it's multiple choice and they all wanna test me. Choosing a squad. She tryna choose between me, Justin Quay, and the SWAT. She told me that she love that I make music for God. I told her I would love to see that blood. You stick out of the crowd, baby, it's a no-brainer. It ain't the hard to choose. Him or me, be for real, baby, it's a no-brainer. You got your mind on loose. Go hard and watch the sunrise. One night, it changed your whole life. Pop top, drop top, baby, it's a no-brainer. Put 'em up if you with me, yeah. In the middle. Got me sitting up, demanding my attention, had to give it up. Look like somebody designed you, dropped it gorgeous. You made me wanna live it up. Your presence is critical, moving my soul, yeah, you're spiritual. They hate it when you notice me, make everybody else invisible. Breaking all the rules, so above the law. I'll be your excuse. Damn right. You don't go wrong, no. You stick out of the crowd, baby, it's a no-brainer. It ain't the hard to choose. Him or me, be for real, baby, it's a no-brainer. You got your mind on loose. Go hard and watch the sunrise. One night, it changed your whole life. Pop top, drop top, baby, it's a no-brainer. Put 'em up, baby. merci d'écouter Fun Radio, passez une bonne soirée tout le monde. On est là ensemble jusqu'à 23h comme chaque soir. Merci de nous avoir choisi, vous débarquez en direct. 20h-23h, Mike sur Fun Radio. 02-851-4x0, c'est le numéro pour nous appeler. Libre antenne jusqu'à 23h sur Fun Radio. Oula. Oh, en langage d'éléphant, ça veut dire j'aime écouter Mike et Lorenza sur Fun Radio. Faut le savoir. Ça veut dire que l'éléphant a envie de passer un moment en toute intimité avec moi. Bon, bref. Martin Solveig, ça me gêne un peu, putain. Tu parles éléphant alors ? Pas mal. Je parle le langage du corps, ma petite Lorenza. Ah. Et c'est bien assez. Écoutez Martin Solveig dans quelques instants. News in Chill de Calais aussi. Demain dans l'émission, loupez pas Dadiqué. Ouais. Qui va venir avec sa chérie Nikki Sanchez, le petit couple. Oh, ça va être trop cool. Ils seront là et il vient nous parler de son concert en mars. Là, il fait un gros concert pour ses... Ouais, au Palais 12. Au Palais 12, pardon. Pour ses 30 ans de carrière avec plein d'artistes. Wow. Il nous en parlera demain, Dadiqué, dans l'émission. Il sera là vers 20h au début d'émission. Cool. On va récupérer notre Anaïs, qui est là à Namur. Oui. Ma petite Anaïs d'amour. Voilà, bon, toi, tu as 17 ans. C'était la rentrée hier pour toi, Anaïs. Oui. Ça s'est bien passé ? Oui, super. T'es dans une bonne classe ? T'as un bon emploi du temps, tout ça ? Oui, ça va. Tu kiffes tes professeurs ? Bah, ouf. C'est la question piège, tu vois. Bon, toi, il y a autre chose que tu kiffes à part l'école, c'est Harry Potter, tu m'as dit juste avant. Oui, c'est ça. En fait, je suis fan de toute petite, de Harry Potter. Et en fait, j'ai inventé une histoire, la suite d'Harry Potter, en gros, que ça parle d'un monde où Harry aurait rejoint Voldemort. Ah, t'as fait une fanfiction, c'est ça ? Trop cool. Ouais, j'ai vu. Moi aussi, je kiffe Coralie, on adore. Trop fan. Trop bien. Mais cela dit, juste... j'en profite, tu parles d'Harry Potter, je vais vous faire une révélation. Il est gay, vous le saviez. Quoi ? Daniel Radcliffe ? Non, Harry L'acteur Potter. Harry, Harry bah, un gars qui passe le plus clair de son temps à se frotter le cul contre un balai, appelez ça comme vous voulez. Bah, pour moi, c'est clair. Et puis la baguette magique, c'est quoi si ce n'est un appel au plaisir charnel ? Je pose la question. Lorenza. Ça le demande. Dites-moi, tiens, sur les SMS au 3044, s'il y a des objets magiques, vous rêveriez que ça existe en vrai, quel objet magique vous mettriez dans la réalité ? Je suis en train de me demander comment je vais réussir à faire une phrase française. En français ? Lorenza, moi, un truc pour garder ta dignité, j'imagine, en toutes circonstances. Ouais, voilà, donc c'est la reine des moments gênants. Peut-être une cape d'invisibilité, tu vois. Ouais, c'est pas mal. On a un sondage, justement, un sondage qui a demandé aux Belges quel objet magique rêveriez-vous d'avoir en votre possession. Est-ce que vous voulez les résultats ? Ouais, vas-y. Oui, bah ça m'arrange. Imagine, on dit non. 7% allez, des gens rêveraient d'avoir une boule de cristal. Pas mal, c'est vrai. Ouais. Sextoy classique, quoi. Ouais, voilà, on va pas en faire tout un plat. 9% des gens, c'est un tapis volant. Ouais. Ah, rien que pour niquer tout le monde aux embouteillages dans les films. Ça, j'avoue, c'est le kiff. Pour 20% des gens, ce serait la fontaine de Jouvence. Ouais. Ah oui, pour rester jeune. Ouais. Écoute, je sais pas si ça existe vraiment. En tout cas, je sais que Charles Aznavour l'a pas trouvé. Ça, c'est sûr. Oh, le pauvre. 46% aimerait avoir une baguette magique pour faire ce qu'il veut avec. Ouais. Et 22% souhaiterait avoir une cape d'invisibilité comme toi. C'est pas beaucoup, je pensais plus quand même. Et comme il y en a qui l'ont trouvé, la cape d'Amel Bent, elle a trouvé la cape d'invisibilité. On la voit plus. Non, bah écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec. Tu veux qu'on partage ta fanfiction sur le Facebook là ? Ça te fera un peu de pub, ma petite Anaïs. Oui, là, ça va. Je voulais savoir si vous savez partager le lien en fait sur votre page. Ouais, et bah, avec bien plaisir. Sûr. Avec plaisir. Tu nous envoies le lien en privé et puis on republie ça dans la soirée, ok ? D'accord, merci. Je te fais des gros bisous, ok ? Puis nous, on va gros aussi Anaïs. La lire comme ça pour kiffer. Ok ? Gros bisous. Tu nous rappelles quand tu veux, Anaïs. À bientôt dans l'émission. Bisous. Pour faire comme elle, 02-851-4x0, c'est le numéro du standard pour nous appeler. On va retrouver Mamie Simone dans un très court instant, notre mamie d'amour. J'espère qu'elle est de bonne humeur. Espérons. Bah, oui, avec nous ça va, mais c'est contre toi qu'elle a une dent, j'ai l'impression. Elle me déteste. Ma petite Lorenza. Je vous parlerai aussi de la comète qui va frôler la Terre. Ah ouais, j'ai envie de savoir. Ce sera le 10 septembre, je vous expliquerai tout. Il y aura plein d'autres infos sur Fun Radio, des news inutiles de Calais, il y a du Défoul Room si vous avez un coup de gueule à passer ce soir, il y a quelque chose qui vous a fait chier, une galère aujourd'hui. 02-851-4x0, vous pouvez nous envoyer un petit SMS aussi au 3044. On vous offre les places pour la nonne. Ouais. Comme promis, vous envoyez Fun au 6322, l'avant-première. C'est très bientôt avec Fun Radio. Et on vous y envoie. Ça se gagne uniquement ici. Voici Martin Solveig pour le Sand & Floor. Bonne soirée sur Fun Radio, on est là. on hold, but I'll keep waiting for you. For a minute you can use my love. Bonne soirée sur Fun Radio, le micro est ouvert, Lorenza. Attention, tous les soirs, ne parle pas du buzz comme ça. Space of freedom and no judgment. 02-851, 4x0, Mike sur Fun Radio. Et on est là, on vous attend les amis, 02-851, 4x0, le numéro, la voix de Fun Radio vient de vous le donner. On vous attend aussi sur l'SMS au 3044, c'est 50 centimes par message. Vous vous inscrivez pour choper les places pour l'avant-première de La Nonne. C'est une exclue Fun Radio, c'est un gros film qui va sortir très bientôt avec Fun. Et on vous envoie à l'avant-première. On va prendre en plus non pas un, non pas deux, mais trois gagnants. C'est ça ma petite Lorenza, ouais. Et vous pourrez aller avec la personne de votre choix, donc c'est plutôt cool quoi. Donc allez-y, bah, on vous attend. Vous envoyez Fun au 6322. Tout à fait. J'ai une petite info voiture pour toi, ma petite Lorenza. C'est dans la presse aujourd'hui. Ouais. On apprend qu'aux États-Unis, au Nouveau-Mexique, un homme a été arrêté en état d'ivresse pour la 22e fois. What? Et c'est fou, non? Il a encore son permis, enfin, ouais. C'est... Alors qu'en France, au bout de 4 fois bourré au volant, t'as le premier rôle dans Taxi 4. Bah ouais. Faut dire. Non, on rigole, mais un peu de prévention, ça fait pas de mal. Oui, oui, oui, les gars. Donc, quand vous sortez en boîte le samedi, surtout, voilà, les jeunes qui nous écoutent, on le répétera jamais assez. Celui qui conduit, c'est celui qui a le volant devant lui. Voilà, ok, c'est compris. Je vous remercie. Bonsoir, mamie Simone. Bonsoir. Ça va, ma chérie? Bien et vous-même? Oui, comment va ma préférée de toute la radio? Oh, bah, ça va bien. Mademoiselle Coralie va bien. Super. Bon, bah, très bien. Et moi? Non? Non, toujours pas. Mais ok, toujours pas. Qu'est-ce qu'il y a, vous avez contre Lorenza exactement? Contre qui? Lorenza, ma co-animatrice, mamie Simone. C'est la, la blonde. La blonde. Ah, c'est celle que je vois à l'écran là. Oui. Ah bah je sais pas, je la connais pas, faudrait me la présenter. Mais mamie. C'est parce que, à mon avis, tu l'as pas dit bonjour la première fois. Et tu sais, mamie Simone, c'est une vieille personne, elle se vexe. Elle est vexée. Eh voilà. Ah la bitch, vous voulez dire. Oui, d'accord, très bien. C'est ça. Et mamie. Vous voyez mieux du coup. Mamie Simone, on fait quoi ce soir dans votre rubrique? Écoutez, vu que je me sens toujours un petit peu seule. Hier soir, vous n'avez pas été foutu de me trouver quelqu'un, n'est-ce pas? C'est vrai. Bon, voilà. Je vais encore appeler des gens pour m'incruster un petit peu chez eux. Voilà, ah. Je les appelle et je leur dis, bah alors, tu te rappelles de moi ou pas? Et puis bon, quoi qu'ils disent, eh ben, c'est moi et puis je vais y aller. Bon bah je vous appelle quelqu'un alors, mamie Simone. Oui. Bah, si mademoiselle Coralie sait faire un numéro, alors. Ah, elle est en train de le faire, allez-y. Oui, bon, on est mal barré à mon avis. Allez, coco, pose. On sait comment. Ah, ça sonne. Ça... Et toi? Allô? Allô? Oui? Comment ça va? C'est qui l'appareil, s'il vous plaît? Bah, tu me reconnais pas? Non. Bah, chez moi, quand même. Devine, allez. Ah, je sais pas, vous dites votre prénom ou je raccroche? Bah, non, je te demande de me reconnaître. Bah, non, je sais pas c'est qui. Bah, quand même. Bon, je sais que ça fait quelques années qu'on s'est pas vu, mais quand même, dis. Catherine? Bah, oui, chez moi. Oh, ah, quand même. Je pensais pas du tout à. Je pensais à quelqu'un de ma place, je le dis parce que je cherche celui de ma place et puis. Et voilà, quoi. Bon, comment ça va? Ça va, quoi de neuf? Bon bah écoute, la routine et toi alors, la famille? Oh, rien de spécial, bah ça pousse quoi. Ouais, ils ont quel âge maintenant? 21 Isabelle, 21 à 19 au mois d'octobre, 16 et 14. Ça pousse vite quand même, hein. Ça nous rajeunit pas. Oh, tu crois? Eh bah ouais, j'en suis sûr, dis donc, j'en suis sûr. Bon, et le petit mari, il va bien? Oui. Oui, oui, oui, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Toujours dans le même boulot? Oui, hein. Et toi alors? Et moi, je suis toujours à la maison, hein. Ouais, ouais, ouais, ça se passe bien. Bon, tu t'ennuies pas trop, quand même. Tu crois? Bah, je te pose la question. Si, si, au mois de juin, j'ai fait beaucoup de choses à la maison. Donc là, j'aimais bien. Mais alors, mois de juillet, mois d'août, c'est pas gay, quoi. Ah, qu'est-ce que t'as fait? En mois de juin? Oui, oui. J'ai repeint. Oh, allez, c'est bien. Bah, ça change l'ambiance dans la maison quand on repeint. Oh, mais j'ai fait en haut, hein. Ouais. Donc... Bon, bon, bon. Dis donc, faudrait qu'on joigne ces quatre. Oui. Quand est-ce que tu serais disponible pour que je passe à la maison? Moi, je suis là jeudi. Jeudi, attends, oui, jeudi. Oui, vers 14h, ça t'irait, ça? Oui, avant de chercher, oui. Jeudi, 14h. Allez, je viens. Tu prépares le café, je ramène le dessert? Oh, non, pas de dessert. Non, parce qu'après, il y a 16h30, les enfants viennent manger, donc... Bon, bah écoute, on prendra le café, et puis pour 16h30, ça fera le dessert. Ah, si tu veux, et si bah, tu voilà. veux. Et bah voilà. Bon, alors, on se dit à jeudi, 14h. Oui. Eh ben ça va, une bonne soirée et t'embrasse tout le monde, hein. Ok, autant de ma part. Hein. Ça va, allez, ça à va, jeudi. Salut. Bisous. Et ben voilà. Voilà, Mamie Simone. Voilà. Vous vous sentez moins seule d'un coup, Mamie oui, Simone. Bah, vous avez vu, je me suis fait une amie en quoi ouais, bah minutes. Voilà. Ah, ouais, bon, bah, maintenant, il va falloir vous faire passer pour la fameuse dame. Mais, oui, ça m'enlève un petit peu parce qu'il faut que je ramène le dessert. J'ai pas envie de dépenser des sous pour cette connasse. Bon, je fais des bisous, Mamie Simone. Je vous dis à tout à l'heure pour Radio Simone vers la fin de l'émission. Oui. Bisous, Poutou. Bisous, Mamie d'amour. À vous et à Mademoiselle Coralie. Oui, bisous, Mamie. Non, pas moi. Bon, t'inquiète pas. Elle va finir par t'accepter, ma petite Lorenza. Voici Carice sur Fun Radio, passez une bonne soirée, tout le monde en est en direct. Mamie Simone, on la retrouve tout à l'heure et puis on attend vos coups de fil. 02 851 4x0. Je vous parle de Michael Vendetta dans quelques instants. Tu te rappelles de lui? Ouais, je me souviens. Faut qu'on fasse du wari, djarabi. Mes ennemis, je ne sais plus qui est qui. Faut qu'on se bat loin d'ici. Surtout ne leur dis pas. Entre nous ce qu'il y a, ça reste entre toi et moi. Même si on est en l'air car. Surtout ne leur dis pas, ils n'attendent que ça. Tirer sur ma chicha, et tu veux plus prendre le tuyau. Je résiste comme un dozo, je te le chante comme un griot. Puis pierre, feuille, ciseaux, pour tirer sur le physio. J'ouvre les bras larges comme le dos, je suis tout en haut comme mon Corcovado. Djalabi, djalabi, djalabi, ma chérie. Djalabi, djalabi, faut qu'on fasse du wali. Djalabi. Mes ennemis, je ne sais plus qui est qui. Faut qu'on se bat loin d'ici. Surtout ne leur dis pas. Entre nous ce qu'il y a, ça reste entre toi et moi. Même si on est en l'air car. Surtout ne leur dis pas, ils n'attendent que ça. Ah. Y'a de la meuf partout, y'a des seufs partout. Mais je ne pense qu'à toi quand je suis dans ma loge. Depuis que tu m'as quitté, mon cœur s'est arrêté comme une horloge. Je tiens mon automatique, j'imagine ta plastique. Mes rêves s'envolent comme un sac plastique. Djalabi, djalabi, djalabi, ma chérie. Djalabi, djalabi, faut qu'on fasse du wali. Djalabi, mes amis, mes ennemis. Je ne sais plus qui est qui. Faut qu'on se bat loin d'ici. Surtout ne leur dis pas. Entre nous ce qu'il y a, ça reste entre toi et moi. Même si on est en l'air car. C'est moi qui vais me faire défoncer. Bon les gars, le micro est ouvert. Je vous ai déjà dit, lumière rouge égale micro allumé, putain. Bon, on revient dans un instant sur Fun Radio, bougez pas. A tout de suite. Dans moins de 3 minutes, c'est le retour des délires. Jusqu'à 23h, Mike sur Fun Radio. En Belgique, à présent, la Chambre a voté la résolution blablabla, blablabla, blablabla, pendant qu'à la conférence de Paris, le président, je capte que dalle, déclarait je m'emballec grave. Sport. Parce que les infos pour les adultes, ça donne souvent ça pour les enfants, le JDE est spécialement conçu pour eux. Avec le JDE, t'as tout compris. Offre spéciale sur le JDE.be. Fun Radio, le son dance floor. Baby,

Merci d'être branché sur Fun Radio. Mike, jusqu'à 23h sur Fun Radio. Et vous nous captez aussi sur la Fun Vision pour voir un petit peu comment ça se passe dans les coulisses de Fun Radio. Lorenza est en train de faire des signes très bizarres dans ce studio. J'essaie de faire des coucous, mais c'est aussi super gênant. Donc, Fun Radio, point de... Mais globalement, Lorenza, tu es gênant. Oui, j'ai compris. Mais c'est pas grave, on t'aime comme tu es. Oh, c'est gentil. Il est 20h33, nous sommes en direct sur Fun Radio, les amis. Vous pouvez nous rejoindre au 02 851 4x0, envoyer un petit message en privé sur la page Facebook, c'est Mike sur Fun Radio. On s'occupe de checker tout ça et de lire tout ça et de vous rappeler éventuellement si vous voulez faire un petit jeu avec nous, vous pouvez vous inscrire. D'ailleurs, j'ai une petite info. En fait, j'avais déjà essayé de taper Mike sur Fun Radio et ça ne marche pas toujours. Donc, des fois, c'est juste Mike Fun Radio et bim, là, vous tombez sur la page. D'accord, très voilà, bien. Merci, info, c'est pratique. On y est décidément dédié dans toutes les radios pour voir son concert. Oui, mais demain, grosse interview voilà. De dédié, les amis, comme vous ne l'avez jamais vu. Fun Radio sera avec Nicky Sanchez en plus, sa petite femme qui mixera juste avant dans la Play Mix, juste avant nous là. Ça sera cool. Je suis déçu de la prestation des Mauves. J'espère qu'ils reviendront en forme après la trêve pour prouver. Vous pouvez mettre Maître Gims, s'il vous plaît. On va essayer d'en passer, y a pas de souci. Ouais, c'est vrai que les super prestations, les Mauves. Je crois qu'ils ont gagné ce week-end malgré tout, mais. Anderlecht, c'est pas waouh. Bon, j'ai une petite info. Est-ce que tu te rappelles de Michael Vendetta? Ouais, le mec qui se l'a raconté à mort, là. Il se prenait pour Dieu. Ouais. Le débile, là, qui avait créé le concept de la bogositude. Ne dis pas qu'il revient, s'il te plaît. Non. On apprend dans la presse ce matin qu'il serait en train d'écrire son One Man Show. Oh merde, mais non. Et moi, je vais vous dire un truc, j'ai déjà demandé des places VIP. Pour aller voir autre chose, du cirque ou un autre concert, mais ce sera toujours mieux, quoi, je veux dire. Ouais. En tout cas, écoute, on va pas le juger, on va le laisser travailler, écrire sereinement, au calme son spectacle. En plus, d'après le journal, a priori, ça avance pas mal. Ouais. Maintenant, il sait écrire les lettres A et M. On lui souhaite bonne chance, voilà, ça avance bien. On se fait des news inutiles, ma petite Lorenza. Ouais, c'est parti. De vraies infos que vous aurez oubliées dans 5 minutes, on le fait tous les soirs sur Fun Radio. Attention, c'est les infos. Écoutez bien, ces infos inutiles. Un fœtus de 5 mois a plus de poils sur le dos qu'un gorille. C'est ouf. Suzanne Boyle est donc Suzanne Boyle est donc deux fœtus. La peau. Lorenza. Un collectionneur d'ouvre-boîtes s'appelle un opertaphilis. Hein? Je m'y attendais pas. L'estomac du homard a des dents. C'est ouf. Allez, j'en ai une petite dernière. D'après toi, Lorenza, un bébé, ça le fait en moyenne 400 fois par jour. D'après toi, de quoi je parle? Pleurer. Non, Coralie, un bébé le fait 400 fois par jour en moyenne. Ouvrir les yeux. Non. Lorenza? Manger, non, je sais pas. Remplir sa couche, non, ça c'est le grand-père qui fait ça, non? Un bébé rigole 400 fois par jour. Oh, c'est mignon, hein. Balayuk, c'est balayglaoui. Balaycouille, balayrin. Balayuk, c'est balayglaoui. C'était les infos. T'as vu? L'outro et l'intro, c'est bon, tu les maîtrises, Lorenza. C'est bon, c'est bon. On est en direct sur Fun Radio dans quelques instants. On va jouer l'ensemble. On vous laisse encore 2 minutes là pour vous inscrire au 6322 pour gagner les places pour aller voir la nonne en avant-première avec Fun Radio. 6322, vous envoyez Fun, F-U-N. On a reçu un petit SMS qui dit: non Mike, Anderlecht a fait un match face aux Anversois 1-1. Ah oui, match nul. Voilà, match nul. Très bien. Merci pour la précision. Voilà, c'est important d'être précis. Voilà. On va jouer ensemble dans 3 minutes juste après Dino Rino sur Fun Radio. Bonne soirée à tout le monde. En direct. Where we all came from, the dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. direct sur Fun Radio. Passez une bonne soirée tout le monde. 20h39, merci de nous avoir choisi un numéro pour nous joindre. Pour venir profiter de ce grand espace de liberté d'expression qu'on met à votre disposition tous les soirs sur Fun Radio de 20h à 23h. 02 851 4x0. Lorenza check tous les messages qui arrivent sur le Facebook, Mike sur Fun Radio. À fond, je suis au taquet là. Et puis ça s'entend. Et puis les SMS aussi arrivent au 30 44. On va récupérer du monde puisque vous avez été nombreux et nombreuses à vous inscrire au 6322 en envoyant Fun FUN. Parce que ce soir on vous file les places pour l'avant-première de la NOM. On va faire trois gagnants, c'est ça? Ouais, trois fois deux places. Alors, le premier c'est peut-être Rodrigue qui est avec nous. Hola Rodrigue. Salut. Ça va mon Rodrigue? Ça va et vous? Ça va super. Bah ouais, tranquillement, t'as passé une bonne journée? T'as bossé, ouais, t'as fait quoi? Je rentre seulement là, je vais rentrer chez moi là dans 25 minutes, là, je travaille. Ah, tu rends du taf, tu bosses dans quoi toi, Rodrigue? Bah, je bosse dans l'alimentaire. Et t'es à Tournai, c'est ça? C'est tard, hein? Ouais, cuisinier, ouais, je fais du coin restauration, hein, mon con. Ah, courage! Bon, on va jouer ensemble, frérot, au jeu des alus. Parce que parfois, les chanteurs, c'est souvent les chanteurs en anglais notamment, chantent et nous, vu qu'ils chantent en anglais, on pense entendre quelque chose en français. À fond. Ça s'appelle une hallucination auditive. Je vais t'ai donc sélectionné quelques hallucinations auditives et tu vas devoir retrouver quelle est la phrase qu'on entend en français. Ouais. D'accord? T'es chaud, t'entends bien là? Ouais, j'entends nickel, ouais, c'est super. Parfait. Vous essayez de trouver chez vous à la maison aussi. Lorenza est là pour t'aider de toute façon, pas de panique. Et si t'as plus de bonnes que de mauvaises réponses, il y a du cadeau Fun Radio et il y a tes places pour aller à l'avant-première de la nonne. Vous êtes prêts? Super. C'est parti. On y va. Ouais, attention, concentre-toi. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Avril Lavigne? Est-ce qu'elle dit qu'est-ce qui fait beau, qu'est-ce qu'on est bien ou qu'est-ce que je suce? Eh ben franchement j'ai même pas entendu ça moi. Un, deux ou trois? Le deux. Le deux c'était qu'est-ce qu'on est bien. Et non c'était qu'est-ce que je suce. Écoutez, concentrez-vous. Ah voilà. Pas mal, c'était la deuxième. Ok. Un deuxième. C'est Florent Pagny qui chante. Florent Pagny sur Fun Radio, ça vaut le détour d'ailleurs. Alors, est-ce qu'elle dit Madame au téton bien dur, Madame au téton bien bien sale ou Madame au téton comme Lorenza? Moi je dirais la 2, mais. Ouais, la 2, ouais. Madame au téton bien bien sale. Ouais. C'est la bonne réponse, on écoute. Allez, on s'en fait un petit dernier pour le kiff du cadeau Fun Radio. Écoute. Bon, il n'y a pas de proposition pour celle-là. Est-ce que vous l'avez ou pas? Moi j'ai trouvé. Alors, je vous la repasse. Je te la repasse. Tu l'as ou pas, Rodrigue? Vas-y. Écoute bien, concentre-toi. Tu l'as, Lorenza? Ouais. Rodrigue. Tu peux le dire ou pas? Rodrigue, t'as une idée? Inestimable. Non, c'est pas ça. C'est pas assez drôle. Moi, j'entends Mamie Simone, non? Non, mon instrument, il est si long. Écoute. Ah ouais? C'est vrai qu'il y a du Simone aussi dans le coin. Bon, un petit dernier, juste pour le kiff, il n'y a pas de proposition aussi. Ok. Ah, la qualité n'est pas terrible. C'est dur. Tu l'as ou pas? Non, je l'ai pas. Non, j'entends pas bien le coup. C'est mou de la quéquette. On est au top niveau, au niveau de. Oh, tu peux le faire réécouter juste pour une. Écoute, c'est mou de la quéquette. C'est gênant, Lorenza. Bon, c'est bon, on te met tes places pour l'avant-première de la nonne, c'est gagné, Rodrigue. Ouais, bravo, Rodrigue. Ouais, encore merci, vous êtes géniaux, franchement, super. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Tu nous écoutes tous les soirs depuis qu'on est arrivé? Tout le temps. Ça va? Sur la route, l'office, ouais. L'émission te plaît? Bon, bah, c'est cool, ça fait plaisir, mon Rodrigue. Tu reviens quand tu veux. Vas-y, fais-toi plaisir. Un gros big up à ma collègue, mon bon gros cerveau-là. Elle m'a dit qu'elle me rapporterait le petit pain demain matin si je devais, donc voilà. Quelle sûre. Et ben voilà, message passé. Voilà. Le petit déj, c'est grâce à Fun Radio. Salut Rodrigue. Gros bisous. Big up tout le monde pour nous. Salut frérot, bon courage, il rentre bien. Voici Z sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. You're a world away, somewhere in the crowd. In a foreign place, are you happy now? There's nothing left to say. So I shut my mouth. So won't you tell me, babe, are you happy now? You're the only one who can up and run. Bonne soirée sur Fun Radio. En direct, il est 20h47, tout à l'heure il y aura des full rooms. Venez nous dire ce qui vous a saoulé aujourd'hui, les galères que vous avez rencontrées pendant la journée. Ouais, avec leur rentrée, il y en a plein. Ouais, ou bah, si vous voulez afficher quelqu'un, 02 851 4x0, je sais pas, un livreur qui a oublié un truc dans la commande. Ça arrive toujours ça. Ouais, bah, vous voulez l'afficher en direct, on est là pour ça, les amis. 3044, c'est les SMS. Dans quelques instants, on se fera les full rooms. Il y aura du Lorenza full bordel et de la baston à la radio aussi, si vous voulez énerver un de vos proches. Lorenza, petite info pour toi. Allez, dis-moi. Sur une petite île au large de l'Australie, écoute bien ce qui s'est passé, phénomène météorologique assez rare puisqu'il a plu des poissons. Quoi ? Mais non. En fait, à cause du vent, il a plu des milliers de tout petits poissons. En fait, ils ont été aspirés, sortis de l'eau et sont retombés pour s'écraser sur les gens. Oh, mais c'est horrible. C'est fou, non ? Donc, il y a quelques jours, en Australie, des milliers de poissons sont tombés du ciel. Alors, bien sûr, maintenant, ils attendent tous que la maillot tombe, quoi. Mais bon, ça... Dans moins de 3 minutes, c'est le retour des délires. Jusqu'à 23h, Mike sur Fun Radio. Rejoignez la famille Fun Radio dès maintenant. Right here, right now. Sur Instagram. Suivez Fun Radio BE et retrouvez l'univers de votre radio et tous vos animateurs préférés toute la journée. Bah, Fun Radio toute la journée, c'est délire. Fun Radio, c'est la famille. Maman, elle est toujours coincée dans les bouchons. Alors, je lui prête mon vélo. Ben quoi, elle ira plus vite. Partagez, c'est inné. À l'avenir, le journaliste partage avec vous plus que de l'info. Il donne du sens à l'actualité. L'avenir. L'avenir est au contenu. Abonnez-vous maintenant et recevez un bon de 50 euros chez Carrefour ou Décathlon sur l'avenir.net/bienvenue. Inédit, du lundi au vendredi sur Plug RTL, touche pas à mon poste. Ça va être la folie, ça va être n'importe quoi. L'actualité télé, revue et corrigée par l'inimitable Cyril Hanouna et son équipe de chroniqueurs. C'est scandaleux. Oh. Allez, c'est parti. Fou rire, défi et délire garanti. Et le patate là, wow. Touche pas à mon poste, c'est du lundi au vendredi à 20h sur Plug RTL. Plug RTL. Smiling, taking my baseball cap. Oh, I never ever had it. Mike sur Fun Radio. Trap, trap, money, penny. This shit got me in my feelings. Gotta be real with it. Yeah. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. Look, the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And when you get to top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump, that confirmed it. Trap money, Benny, hey. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny, hey. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. Two bad bitches and we kissing in a way. Kissing, kissing in a way. Kissing in a wraith. I need that black card in the code to the safe. Code to the safe, code, code to the safe, safe. I show 'em how the net work. Fuck that Netflix and chill. What's your net, net, net worth? Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. Black, yeah, yeah. And I'm down for you always. Yeah, yeah, yeah. And I'm down for you. Down for you. Down for you always. I got a new boy and a nigga trade. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I'm skate and smoke and rap. Now let me see you. Now let me see you. Et on passe les soirs ensemble sur Fun Radio. Merci d'être branché, merci d'être connecté à la famille funradio.be pour nous voir en Fun Vision, on est là. Rejoins le mouvement. Mike, jusqu'à 23h sur Fun Radio. Laissez-moi vous le dire. Youpi yo, youpi yo, youpi yé. Ah, je suis hyper content de quoi ça. Non, parce que, bah, pour après, une fois, c'est moi qui suis. Bah, non, je suis plutôt. Je suis content. Ce soir, on va mettre les bouchées doubles, les amis. Ouais. Pour vous accompagner. Bienvenue dans l'émission la plus ringarde de la bande FM. Exactement. Avec Lorenza, avec moi-même, et nous sommes fiers, les amis. Dans quelques instants, on va récupérer Cédric qui nous attend au standard, qui veut faire une baston à la radio. Et juste avant, pour toi, ma petite Lorenza, et pour vous tous, j'ai des nouvelles de notre star, Gérard Depardieu. Hein? Gérard Depardieu, j'adore ce gars. Ouais. En apprenant la presse qu'il déménage après avoir été chez nous en Belgique, ouais, après la Russie. Changement d'ambiance pour GG, il part en Algérie. Quoi? Et il va s'installer à Alger, en Algérie, ouais. Ok. Bah, il y est déjà d'ailleurs. Moi j'ai une théorie d'ailleurs. Vas-y. Sur Gérard Depardieu. Dis-nous. Parce que Belgique, Russie, Algérie. Ouais. Moi je pense très sincèrement que Gérard Depardieu, il a un but dans sa vie. Tout manger dans un pays et partir au suivant. C'est ça, ils ont but, je pense. Ouais, c'est vrai. Ed Sheeran arrive. C'est dans quelques instants le remix de Tiesto sur Fun Radio. Et puis là, on va récupérer Bastien qui est avec nous. Salut. Non, c'est Cédric. Salut Cédric. Salut tout le monde, salut l'équipe. Hello. Comment ça va, mon pote? Bah, ça va super. Hein. Bah, 23 ans, bienvenue. T'es à Laeken, c'est ça? C'est ça. Et tu fais quoi dans la vie? Tu fais les études? Tu fais quoi? Tu taffes? Ouais, je fais des études là. De quoi? Marketing. Très bien. Bah frérot, on va jouer ensemble. Tu veux nous faire une baston à la radio? Tu veux énerver un de tes proches? De qui s'agit-il? Ouais, en fait, je vais énerver mon pote d'enfance, en fait, mon meilleur pote, parce que il m'a prêté sa voiture pour les vacances là, parce que lui, il est en France et moi, je suis en Belgique. Et du coup, en fait, je vais lui faire croire que j'ai rayé sa caisse, mais en fait, sa caisse, c'est genre son bébé, quoi. Si ah ouais. Personne peut. C'est quoi comme voiture? C'est C'est une Chevrolet Corvette de 1974. Ah ouais, tu m'étonnes. Ça vaut cher ce genre de bagnole en plus. Ouais ouais, de ouf. Donc non il tient, c'est son ancêtre et voilà, il est chaud quoi. Bon bah bouge pas, on va le piéger, on va essayer de le rendre fou dans quelques instants, on va faire une baston à la radio, ok? Ouais, nickel. Bouge pas mon Cédric. Walking down 29th and Park, I saw you in another zone. Only a month we've been apart, you look happier. So you walk inside a bar, you said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Belgique, toute une génération représentée le soir sur Fun Radio, on est là, qui que vous soyez, où que vous soyez, ramenez-vous, venez participer à l'émission, grand open space de liberté, chaque soir ici. Y'a Lorenza. Ouais. 20h-23h, Mike, sur Fun Radio. Je crois qu'on a trouvé un petit angle, ma petite Lorenza, 21h sur Fun, on est en direct dans quelques instants. Il y aura David Guetta et Chotek pour le son Dance Floor. On va récupérer Cédric qui veut se faire une baston à la radio, qui veut piéger son meilleur pote, sa son ami d'enfance. Je le sens bien. Jérôme, ouais, qui lui a prêté sa voiture cabriolet. Oh. Il va lui faire croire qu'il a niqué la bagnole. Quand c'est un truc de caisse entre mecs, ouais, comme généralement, ça, on part au quart de tour, nous les mecs. Bon, on en parlera dans quelques instants et on va se le faire. Je suis un peu perdu. On jouera au boss tout à l'heure. Il y aura du Mamie Simone, il y aura de la news inutile aussi. Et nous allons récupérer Eva, qui est avec nous, 22 ans, à Liège. Bonsoir Eva. Salut. Hello. Eva bien? Lol. Hey, voilà. Le premier sur l'humour. Ça va Eva? Ça va et vous? Oui, j'ai cru que tu ne voulais plus me parler. Tu passes une bonne soirée? Oui, super. Tranquillement, donc t'es à Liège et... Ah oui, toi, c'est toi qui as fantasmé sur un corps de métier. Alors vas-y, dis-moi. Ouais, ben voilà, tantôt il y a des pompiers qui sont passés par chez moi et ouais, je les trouvais vachement sexy avec leur uniforme. Donc en fait, je voulais demander s'il y a des pompiers qui m'entendaient, s'il y avait moyen qu'ils me contactent, quoi. Oh, la mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que vous avez toutes avec les pompiers, les filles? Sans déconner. Ils sont canons, attends. Mais globalement, les pompiers, pour moi, c'est des mecs qui ont pas de chance en amour et qui font juste ça pour avoir l'uniforme et vous pécho. Et vous tombez bêtement dans ce piège. C'est quoi? Je soupçonne même certaines meufs de mettre le feu à chez elles pour les voir directement. Non mais Lorenza, parce que globalement un pompier sans uniforme, c'est un mec classique, il est pas du tout sexy, genre. Non, moi je trouve ça canon, même torse nu et tout. waouh, c'est. Ouais. Ah ouais. Et toi, ah ouais, même, ouais, même sans l'uniforme, ou c'est vraiment que l'uniforme, Eva, qui te fait kiffer? Bah, c'est vrai que c'est l'uniforme, ouais, donne un petit truc en plus. En fait. On est d'accord. Donc, il doit te faire l'amour avec l'uniforme, le casque, ouais, si la lance. Ah ouais. Oh mon Dieu, je veux pas en savoir plus. Le plus difficile, c'est pas la lance à incendie, cela dit. C'est le camion. C'est un peu plus compliqué. Dites-moi, tiens, le métier le plus sexy à vos yeux. Qu'on kiffe ? Ouais, 30-44 pour les SMS. Le Facebook, c'est Mike sur Fun Radio. Pourquoi, ma petite Lorenza ? Parce qu'il y a un sondage qui a été fait par un site de rencontre suédois. Ok. Qui a demandé à ses membres d'élire le métier le plus sexy. Alors écoute bien, selon ce sondage, les deux professions qui rendent les gens sexy, hommes et femmes confondus, infirmières et médecins. Allez, ah bah oui, bon, c'est, ouais, pas étonnant. Cliché, alors, quoi. Par contre, pour les femmes, dans le sondage des femmes, ce qui est étonnant, c'est qu'en deuxième position, il y a les cuisiniers et en troisième, les banquiers. Quoi ? Mais bah pourquoi les banquiers ? J'ai pas compris. La thune. Hein. Il doit pécho à fond, le bonhomme de la pub, cet élément. Ah, il doit avoir un succès de ouf. Lorenza, la profession, tu te dis. Ouais, je kiffe à fond, c'est. Ouais. Voilà. Ça va paraître un peu bizarre, mais moi, les garagistes, tu vois, plein de sueur et tout. Ah, c'est ça. Ah, c'est mon kiff. Oh. C'est vrai ? C'est marrant parce que moi, les garagistes que je connais, tous, ils ont la particularité très charmante que j'appelle en termes scientifiques et techniques la réapparente. Je connais pas un mécanicien qui, quand il ne se baisse pas, on voit pas ça, son truc. C'est vrai. En plus, c'est dangereux de sortir avec un mécano. Pourquoi ? Il peut te confondre à tout moment avec sa voiture. Bon, ouais. Venez ici, mademoiselle, on va vous faire une vidange. Oh, va falloir changer le pare-choc, là, je vous jure. Au 30-44, on nous dit les militaires. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, aussi. Ah, mais c'est le côté discipline, je pense. À fond. Allez, on va faire l'amour. 1, 2, 1, 2, 1. Et t'as le garagiste après qui se ramène. Ah, on va faire les niveaux avant. Et le pompier. Je vais vous prendre un calendrier. Qu'est-ce qu'il y a, Coralie? Au 30-44, on nous dit je veux bien la fille, je suis célibataire. Ah, c'est un pompier qui nous a appelé. Bah, tu peux l'appeler, ma petite Coralie. On va essayer de la brancher dans quelques instants. Bon, on continue de parler des métiers les plus sexy. Et puis, on va te filer le numéro de ce pompier qui vient de nous appeler. Ok, Eva? Ça marche. Je te fais des bisous. Et les animateurs radio, non? C'est pas ton kiff? Non, c'est moins sexy. Et bim! Tu te prends ça dans la gueule! Des gros bisous! Un bisou, Eva! Salut, à vous! Ouais, gros bisous, bonne soirée! Connasse, va! Oh, sans déconner! Gentil avec les auditeurs, quand même! Oui! Oh, il est vexé! Non, pas du tout, je suis pas vexé! Oh, mais ça va, je suis pas pompier, je suis qu'un misérable animateur radio de merde! Bon, allez! Ah, c'est bon, je finirai plus, ça, j'ai compris, ça va! Putain. On est là! Pff, tais-toi! jusqu'à 23h sur Fun Radio. Ouais, une émission différente de tout ce qui se passe à la même heure sur la bande FM. Merci de nous avoir choisi, la famille. On est là en direct. Tout à l'heure, il y aura la voyance avec Alex Delovan. Radio Simone aussi de Calais. On a encore des places à vous filer pour l'avant-première de la Nonne, les amis. Et aussi, votre sélection pour le festival Lollapalooza. Ce sera le week-end prochain avec Fun Radio. Et sur scène, juste le meilleur de la crème. Du David Guetta, du Jonas Blue, du Armin van Buuren, Lorenza. Je tiens à dire quand même que tu l'as dit magnifiquement bien. Lollapalooza. Waouh, maintenant tu t'es entraîné. Ça glisse maintenant. Et ouais, et donc c'est pour deux personnes. Donc le 8 et le 9 septembre, c'est ce week-end à Berlin. Vous gagnez l'hôtel, le transport, les places. La totale, on vous met bien avec Fun. Et vous suffit juste d'envoyer festival au 6322. Et si vous voulez un petit avant-goût de la fiesta que vous allez avoir, vous pouvez même aller voir la petite vidéo avec tout ça, tous les DJ et tout, sur la page Fun Radio BE. Donc comme ça vous pouvez vous avez la totale pour jouer. De toute façon, quoi, c'est la référence, enfin c'est une des références des festivals en Europe, les amis, et on vous y envoie forcément une seule radio pour vous envoyer ces Fun Radio Festival. C'est ce que vous envoyez au 63 22. C'est 1€ par message, les amis. On va faire notre sélectionné dans quelques instants. Les sélectionnés, c'est chez nous et c'est Chami, et le tirage au sort, c'est chez Samy et Chloé vendredi dans quelques jours, entre 16 et 19. Voilà, tout est dit. Il y aura Kid Noise dans quelques secondes. Dadju, on se fera le Django tout à l'heure. Jackie Chan, du Kalash avec Dems, on va se faire le Moi Kamoun. Oh cool. Puis on va retrouver Cédric, toujours là mon Cédric. Toujours là. Bon Cédric, 23 ans, t'es à BX, tu fais des études de marketing et tu veux piéger ton meilleur pote, il s'appelle Jérôme, c'est ça? Exactement, ouais c'est ça. Il a 23 piges aussi? Ouais, je pense, ouais, 23, 24. Ouais, il va bientôt avoir 24 là. Il s'énerve facilement, Jérôme? Ouais, il est chaud. Il part au quart de tour. Quand il s'agit de sa caisse, j'imagine, c'est un sujet super sensible. En plus, mais déjà à la base, il est nerveux, hein, mais sur sa voiture là. Vous êtes déjà embrouillé vénère? Vous êtes déjà tapé ou? Non, c'est jamais tapé, mais c'est parfois c'est ça a déjà été à la limite, mais bon. Vas-y, raconte-moi la dernière en roule avec lui. Ben c'était une connerie, on était à un barbecue, on était un peu bourré et bon c'est parti un peu d'une bête blague et bon la blague a mal tourné et voilà, on s'est bien engueulé. Les gens ont quand même dû nous séparer parce que si c'était pas là on se mettait dessus, quoi, mais bon voilà. Et tu nous as dit que tu veux utiliser le fait qu'il t'ait prêté sa voiture pendant les vacances. C'est quoi, c'est une Chevrolet Corvette, tu m'as dit? Ouais c'est ça, une Chevrolet Corvette de 1974, mais c'est vraiment, allez, il y tient comme si c'était son bébé, son enfant, quoi. C'est une voiture de collection, ça, Lorenza? Je pense bien. À toi, tu ne t'y connais pas en voiture, tu es une femme, je le rappelle. Et qu'est-ce qui se passe? Bon. Je connais un rayon sur les Chevrolet Corvette. Hein, Oui, alors vas-y. Non, c'était faux. Bon, moi Jérôme, mon Cédric plutôt, on va appeler Jérôme, tu m'as dit qu'il s'énervait vite. Ouais, vraiment. Allez, on va l'appeler. Bon, bah, tu vas jouer sur le fait que t'as rayé sa bagnole, et ça sonne. Et moi je rentre dedans, ok? Je rentre dans l'histoire si dès que okay, je sens qu'il part un peu en couille et tout, c'est la baston à la radio. Ça sonne. Si tu l'énerves, il y a du cadeau. Allô? Allô Jay? Ouais, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, la forme posée à la vie. Ouais, je me doute, dis, j'ai un petit problème en fait, là je suis sorti avec un pote là, on a été faire des courses, et tu vois devant chez moi il y a mon entrée de garage avec tu sais, les côtés en béton là. Ouais. Et en fait j'ai pris donc, j'ai pris la Corvette et j'étais sur mon téléphone, j'étais inattentif, en fait enfin, je sais pas comment dire ça, mais... j'ai rayé tout le côté droit de la Corvette, en fait. Ouais, des couilles. En fait, c'est... Enfin, je rigole vraiment pas, en fait. Je sais pas comment te le dire, mais... Genre, enfin... Elle est... Ah non, c'est une couille, tu me fais une blague, gros. Non, je te jure que c'est pas une couille du tout. Genre, la Corvette, elle est rayée, mais... ça va encore, ou... Non, ça va... Genre pas du tout, en fait. Enfin, déjà tes deux portes, elles sont mortes. Mec, t'es con. Et ton aile droite, elle est morte. Et ouais, genre, enfin, ta peinture, tu peux la refaire, quoi. T'es con? Bah non, c'est une blague? Franchement, je sais pas quoi. Putain, t'es vraiment un bouffon, mec. Vas-y, ça arrive à tout le monde, tu vois, mais... Tout le monde prête sa putain de Corvette de 1974 à son meilleur pote, et quoi, deux jours après, il éclate en regardant son téléphone. Mec, je t'ai dit, fais attention, putain, c'est ouais, l'héritage de mon grand-père. Mais... Et toi, comme un poupon, t'es sur ton GSM. Tu vas faire tes courses. Je parie que t'allais encore boire des verres. T'étais complètement plein à mort. T'es même pas sur ton GSM. T'es juste un gros bouffon, mec. Mais mec, c'est bon, calme-toi. Déjà, j'étais pas bourré. Calme-toi. Mec, c'est très bien. La semaine prochaine, je vais voir une meuf et quoi. Je vais ramener ma charrette de Marrakech. Non, mais enfin. Ouais, ça te fait rire. C'est nerveux, mec. Désolé, tu mets toi à ma place. Je sais pas quoi faire d'autre, tu vois. Je dirais ta caisse. Moi, je me sens pas très bien non plus, tu vois. Ok, ouais, je comprends déconner, que tu chier, sens mais. Ouais, oui, mais moi, je suis en France, là. Je sais même rien faire, putain. Et en plus, ce qui me fait le plus peur, hein, c'est que tu l'as encore 4 jours, mec. Tu la laisses dans ton garage et tu touches même pas. Même en primaire, gros, je t'ai prêté un putain de Playmobil. Tu savais pas garder 2 minutes en main sans qu'il explose. C'est vraiment. Bah écoute, après c'est qu'une voiture aussi, tu vois, c'est pas non plus comme putain, quand tu vas voir la facture, mec, t'as intérêt à te douiller, monsieur. C'est vrai que tu lui as dit ou pas? C'est bon? Tu l'as dit? C'est qui là? Bah, je suis avec Greg en fait, et je suis parti avec lui faire les courses. Évidemment, les bandes de losers qui sortent ensemble. Putain, quel bouffon! Tu l'as dit pour le délit de fuite aussi? Le délit de fuite, tu l'as dit? Il a pris ça comment? Oh, attends. Attends deux secondes, mec. Quoi? Rien, mais. Non, en fait, si tu veux, c'était. En fait, je suis pas devant chez moi, tu vois. Je l'ai pas rayé devant chez moi, en fait, la voiture. Mec, c'est la vanne du siècle. Non, en fait, ce qui s'est passé, enfin, putain, mais. Bon, écoute, voilà, je vais te mettre. Au moins, tu t'es pas fait. Mec, tu vas à la police tout de suite et tu dis que c'est toi, mais. Putain, je vais rentrer, je suis dans ma villa à Marseille. Non, y'a pas moyen, on va pas à la police, nous. Non, je peux pas aller avec toi, frère. Ta gueule, toi. Comment il me parle, Cédric, Jérôme, tu vas pas me parler comme ça, s'il te plaît. On était là de poser avec Cédric, elle est rentrée dans le mur, hein, pas exprès. Clair. Vas-y, on va pas aller voir les flics et on va tout arranger nous-mêmes et écoute, pour la. Vas-y, on s'emmerde pas, on dit que c'est lui qui conduisait, vas-y, c'est bon. Ouais, c'est sa bagnole. De toute façon, c'est sa voiture, c'est à son nom, donc c'est lui qui va d'office devoir payer, tu vois. Mais oui, c'est moi qui vais payer en plus. Mais Jay, vas-y, c'est bien, c'est bon. Je veux dire, c'est qu'une voiture, après. C'est bien. Tu payes presque rien en assurance, là, c'est bon. Si tu fais rien. Putain, je te dis, tu vas payer, tu vas chez les flics maintenant, tu payes et tu fais ça. Quatre jours en France, et quand je. C'est nickel, gros. C'est nickel. Non, écoute, plus entendre parler de toi, mais tu me remets ma tête devant chez moi. Le truc, la meuf et c'est fini. Ciao. Non, le truc, en fait, c'est. Oh, il a coupé, il a raccroché. Putain. Je crois que t'as perdu ton meilleur pote, ouais, Cédric. C'est chaud là. On va essayer de le rappeler ou qu'est-ce bon, qu'on fait? Cédric, tu bouges pas, on va le rappeler dans quelques instants, d'accord? Vas-y. Allez, bouge pas, mon pote. Ouais, vas-y. Time to play. dancing on your body real slow, slow. Taking the vibes, I can feel your vibrations. Your energy's out of control. Oh, hit you with no mistletoe. Mesmerized and so arousing. Feel the beat, don't lose control. When she grinding on me, hold you tight, baby, please don't let go. I'ma squeeze, time to play. Bonne soirée à la famille, merci d'écouter Fun Radio. Tous les soirs, dès 20h, Mike retourne à Belgique. Je m'en bats les... Sur Fun Radio. Radio. On vous accompagne 21h19, on est en direct sur Fun. Il y aura Dadju qui arrive dans quelques instants, on va se faire le Django, le son de Dadju là. C'est les chaînes comme Django. Ciao, ciao. J'aurai une info sur les animaux de compagnie aussi pour toi, ma petite Lorenza, sera dans un instant. Ouais. Mais avant, nous allons jouer avec... qui est là Momo pour jouer? Salut Momo. Ouais, salut, ça hey va? Ça va ou quoi Momo? Là, je suis en train de rouler, je travaille, mais sinon je vous écoute. Il est chauffeur de bus, Momo. Ah, le petit coup de klaxon, Momo, on veut le coup de klaxon. Ok, voilà. On est bon. T'es dans quel coin, toi, Momo? Je suis du côté de Liège, mais en fait j'habite, je viens d'habiter à Vrieren, c'est juste à côté de Liège, c'est une petite commune flamande. C'est en Flandre ça, oui? Ouais. C'est en région flamande, bon très bien. En région flamande, ouais. Momo, nous allons jouer ensemble pour t'offrir des... Qu'est-ce qu'on lui gère à Momo, la sélection ou les places? C'est les places de ciné. Les places pour aller voir l'avant-première de La Nonne. Ouais. Alors, pour ça, il va falloir que tu gagnes aux 10 secondes, au jeu des 10 secondes, c'est très simple. Je vais te poser des questions et t'as 10 secondes pour y répondre. Okay. D'accord, c'est super simple. Tu vas jouer face à Lorenza. Lorenza ou Coralie, c'est toi qui choisis. Bon, moi, je joue Lorenza, ça va être plus simple de gagner face à elle. Ouais. Bon. Direct et alors, là-bas. Lorenza, tu vas montrer un petit peu le délire. Tu commences pour montrer le délire à Momo. Okay, okay. Lorenza, en moins de 10 secondes, donne-moi le nombre de saisons qu'il y a dans la série Les Feux de l'amour. 82. C'est moins. 50. Moins. 32. Plus. 40. Plus. 45. Moins. 42. Plus. 43. Ouais, c'est la bonne réponse. Ouh, sur le gant. Ah, c'est toi. Ok, on est bien. Alors, c'est à toi, Momo. Je suis là. En 10 secondes, mon petit Momo. Oh là. Je suis à peu d'avoir un accident, Momo. Hein. Je ne pas être responsable non, non, de ça. Je gère. Et surtout, si vous écoutez Fun Radio, que vous avez un accident, changez de radio. J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les flics. Merci beaucoup. Allez, Momo, on y va. En 10 secondes, dis-moi combien, en année, quel âge a un bébé de 36 mois? 3 ans. C'est une bonne réponse, Momo. Ouais. C'était simple. Ça fait. Ça fait un partout. Un partout. Lorenza. Ouais. Quel âge a le rappeur Joey Star? 42. Plus. 45. Plus. Waouh, 49. Moins. 48. C'est une bonne réponse. Ouais. Et en 67. Bon, on en fait un petit dernier, un dernier tour. Attention, donne-moi en moins de 10 secondes la réponse à cette question. Momo. Depuis... Non, on va pas faire celle-là. J'ai 4 frères. Chacun de mes frères a 4 frères. Combien sommes-nous? 16. Ben non, moins. Oui. Écoute, j'ai 4 frères, chacun de mes frères a 4 frères. Combien sommes-nous? 4. C'était 5. Bah oui, forcément, ouais, j'ai 4 frères, ça ouais. Ah, c'est logique. Bon, c'est pas grave. Bon, bah t'as perdu. Non, non, c'est une blague. Non, on va en faire une dernière. Pour valider ton moment. Cadeau. Quel âge à Barack Obama? C'est à toi, Momo. 52. Eh ben. C'est pas vrai. C'est une bonne réponse. Hey, 52 ans. Comme Sarkozy, sauf qu'il fait 52 cm, lui, c'est pas pareil. Bon, alors c'est bon, c'est gagné. Ouais, bravo!

On est là en live sur Fun Radio. On va se faire des news inutiles tout à l'heure. J'aurai des infos encore à vous donner sur les animaux donc. On fera des défoulements aussi. Si il y a quelque chose qui vous a embêté aujourd'hui, vous voulez en parler, vous voulez vous défouler, vous avez 30 secondes pour ça, c'est le concept du défoule room. Pendant ces 30 secondes, tout est permis, même les coups les plus bas. C'est mieux qu'un psy, hein, parce qu'après vous êtes détendu de chez détendu. En plus, c'est gratos. Voilà. Le prix d'un coup de fil, vous nous appelez au 02 851 4x0. Totalement gratos en s'inscrivant sur la page Facebook Mike sur Fun Radio ou au 3044. Qu'est-ce qu'il y a, Coralie? Bah, je voulais faire un petit big up à Seb et à Gurvan. Ben c'est voilà. Qui? C'est des chauffeurs routiers qui nous écoutent tout le temps. Et oh, c'est trop mignon. Et donc voilà, on leur fait un gros gros big up. Et bah, bisous à eux, ouais, big up. Bisous, les amis. Big up à tous les routiers qui nous écoutent en ce moment. Prudence sur la route, les amis. Y'a rien à grande qui arrive. Ah, tout à l'heure, on va écouter Kalash et Damso. Moi, Kamoun. Ça, c'est bon ça. Je crois que ça a été le son le plus chazamé de l'année en France et en Belgique. Allez. Le Mock Amoun. On va l'écouter tout à l'heure sur Fun Radio. Et puis là, on va récupérer Cédric. Toujours là, Cédric? Toujours là. Bon, mon Cédric, il y a quelques instants, on a appelé Jérôme, on a commencé la baston, la radio. C'est bien parti. Ouais, ouais. C'est bien ouais. Parti. Franchement, c'était chaud, pas mal. À tel point qu'il a raccroché. Il t'a raccroché à la gueule, en fait, parce que qui t'a prêté sa voiture. Ça, c'est une Corvette de 1974. Ouais. Et donc, voiture de collection qu'il a eu de son grand-père, d'après ce que j'ai compris. Et tu lui as fait croire que t'avais embouti sa bagnole. C'est ça. Et qu'en plus, il y avait du delay de fuite derrière. Exactement. Bon, c'est ton meilleur pote, mais il y a des limites quand même, quoi. Ça se comprend. Ouais. Ne bouge pas. On le rappelle, Cédric, il s'appelle Jérôme. Okay. Et tu me le rends fou, là. En une minute, ok? Ok, vas-y. Tu me le rends fou, tu dis qu'il y a du délit de fuite et que tu vas aller à la police, tout ça. Et laisse-le bien s'énerver sur toi aussi. Hein. Ouais, que tu t'en fous, parce que de toute façon, c'est son nom sur l'assurance. Ouais, ça ressonne. Quoi? Ouais, mec, en fait. Ta gueule! Tu sais pas, mais tu sais pas tout, putain, tu sais pas tout! Les couilles. Mais je sais, mais tu sais pas encore, tout! Je te dis de régler les trucs et lundi, tu me ramènes ma putain de bagnole, je veux qu'elle soit devant mon garage. Je te jure que si je pouvais maintenant prendre la bagnole et venir te péter la gueule, mais non, elle est en Belgique! Avec une putain de grosse grippe sur le côté parce que mon putain de meilleur pote est allé avec Greg, ce mec que je déteste. Il a griffé quoi, putain. Écoute, mec, gros irresponsable de merde. J'ai écoute-moi, tu sais même pas c'est ça le pire. C'est ça le pire en fait, c'est que là j'ai fait un délit de fuite, mais tu sais même pas pourquoi. Et j'ai en fait. Putain, mais je m'en fous. Non, le truc c'est que c'est impossible, putain, c'est impossible pour moi d'aller au commissariat parce que ça me fait péter les plombs. C'est impossible pour moi d'aller au commissariat parce que j'ai embouti d'autres voitures. C'est impossible, t'as juste une Corvette 1974 pour aller jusqu'au commissariat. Mais non, tu prends la bagnole, même avec des griffes, je m'en fous. Tu démerdes, tu prends ton vélo, une trottinette, tu vas à dos de cheval. Je m'en branle, mais tu vas suivre maintenant. Non, c'est pas possible, Jérôme, parce que vas-y, putain. Cédric, passe-moi les clés, je vais conduire. Tu prends un pas, on reste pas ici. On reste pas ici parce que. Vas-y, tiens. Ah, viens, on va aller faire un tour, on va aller se poser dans un bar là. Ta gueule, tu prends un pas dans la bagnole, même les clés, tu les touches pas. Même les clés, tu les touches pas, gros, putain. Ah, ben je les ai dans les mains, les clés. Il a fait permis, laisse-le conduire là aussi. Il a eu dans un putain de Kinder Surprise. Jérôme. C'est les clés, mon Jérôme. Faut pas se faire foutre, mec. Remets ça, tu les touches même pas, passe-les à l'eau de Javel, un bouffon. C'est mieux que ce soit lui qui conduise, parce que moi j'ai quand même déjà embouti quelques voitures, quoi. Et bon, lui, il a peut-être un dos vers l'ennemi. Jérôme, tu fais. Jérôme, tu fais le malin, écoute. Hop, dans ta portière, mon pote. Toi, t'es mort. Tu touches même pas, putain, t'imagines même pas comme t'es mort. Enfin, je veux dire, au pire, voilà, quoi, il y a Jane Grey, donc c'est pas comme si. Ouais, c'est bon, on s'en fout. Bah oui, vas-y, hein, coule là dans le canal tant qu'il y a un bouffon. Mais je te refilerai ma Twingo, ça va. Greg, viens, on va la mettre dans le canal, comme ça on n'aura plus de problème avec les flics. Ah, c'est pas quoi. Ta mère, putain. Vas-y, on fait ça. Merci, j'appelle mon père, il vient chercher la bagnole. Mais mec, il va pas venir avec ta Twingo, mec, on est en Corvette, il est en Twingo, de quoi tu nous parles? Vas-y, viens, on va dans le canal. J'appelle mon père. J'appelle mon père maintenant, il vient chercher les clés et la bagnole et tu te démerdes pour le contact. Ça sert à rien, ta voiture sera déjà dans le canal avant qu'il arrive. Putain, mais tu vas arrêter d'être calme, on dirait que putain, tu viens d'acheter un... Ça a bien marché, je crois que... Je pense que c'est gagné. Je crois qu'on a atteint le but espéré, quoi. Jérôme. Quoi? Bon, quoi? Jérôme, calme-toi deux secondes. Calme-toi deux secondes, je vais tout t'expliquer. Reste calme, reste calme. Je ne suis pas Greg. Jérôme, je ne suis pas Greg. À côté de moi, il y a une fille qui s'appelle Lorenza. On est en direct salut, sur Fun Radio. Jérôme. Et c'était une blague, mon Jérôme. Jérôme, c'était énorme. Y avait rien de vrai, oh, Jérôme. Dieu. Ta Corvette va bien, elle est dans le garage. Cédric, rassure ton pote, la Corvette ouais, va bien. T'inquiète mec, elle est dans le garage, je l'ai pas touchée, il y a personne qui l'a touchée. Oh. Elle tout va bien. T'inquiète mec. Vous inquiétez pas que quand je rentre, je vous tue quand même. Et ben voilà, mais faudra tuer Cédric, c'est lui qui a voulu t'appeler pour t'énerver, ouais. Pour faire la baston à la radio. Et pour avoir du cadeau. Et franchement, c'est une baston qui restera dans les annales. Ah ouais, à mort. Ah ouais, il va l'avoir dans l'anal, ça. Ouais. Bonne soirée, mon Cédric, il y a du cadeau pour toi. Et Jérôme, raccroche pas aussi, on va te dire un gros truc, ok? Bonjour les gars, bonne soirée. Ciao. Merci l'équipe, yao. Je suis pas tout seul, il y a Lorenza qui est là aussi, il y a ma petite Coralie qui vous répond. Le numéro pour t'appeler Coralie, non, on ne t'a pas beaucoup entendu ce soir. 02 851 4x0. Je viens de trouver pourquoi on t'a pas beaucoup entendu ce soir. 30-44 pour balancer des SMS. Regarde, elle le prend mal, elle est toute énervée. Je rigolais. Elle est au taquet. Laisse-moi tranquille, j'appelle les auditeurs, je ne te parle plus. Oh là là. Excuse. Où elle est vénère. Je ne te parle plus. Bisous. Lorenza. Oui, ça va super à toi. Bon, j'ai des infos, comme promis. Oui. Ma petite Lorenza, deux petites infos sur les animaux, c'était dans la presse aujourd'hui. Il y a un expert en animaux qui a donné une interview dans laquelle il explique que certains chiens sont tellement les maîtres chez eux qu'ils en viennent à contrôler leur maître. Tu vois ce que je veux dire? En gros, c'est le chien qui fait la c'est loi. C'est horrible, la ça. Ça me fait péter un plomb. Et donc, il y avait toute une théorie dans l'article et tout, quoi. Vous mettre tout de suite sur le Facebook. Ça dit, moi j'ai un chien et c'est pas des conneries, c'est le chien qui m'a dressé. C'est-à-dire que pour sortir de la maison, je devais aboyer. C'est vrai que parfois, c'était un petit peu too much. Et puis, j'ai une autre info. Ça se passe à New York City. Désormais, pour $200, donc c'est-à-dire quoi, 170 euros à peu près, vous pouvez laisser votre chiot de moins de 2 ans toute la journée à Toutou Shop et le faire shampoigner. C'est une crèche pour chiens. C'est quand même cher, 170 euros. Quoi. 170 euros juste pour le faire shampoigner. Surtout que tu sais que pour 50 euros, un vétérinaire te le fera très bien dormir. Alors, parfois moins cher même. Pas les animaux, Tiesto et Post Malone, c'est Jackie Chan, ça arrive dans quelques instants. Et on va se faire des news inutiles. Ouais. Voici de vraies infos que vous aurez oubliées dans 5 minutes sur Fun. Attention, c'est les infos. Écoutez bien des infos pour vous la raconter à la machine à café, on le fait tous les soirs sur Fun. Il est possible, avec l'imprimante 3D, d'offrir aux mamans aveugles une échographie de leur bébé en relief grâce à laquelle elles peuvent toucher le petit visage de leur bébé, le petit nez, la petite bouche. C'est, mignon, c'est magnifique ça, ça c'est trop beau. Non, ça Gilbert Montagnier, c'est pas un bébé, c'est un mur en crépi, ça n'a rien à voir. À toi Lorenza. Alors moi au Canada, il est illégal d'enlever un de ses pansements en public. Ah, ah ouais, oui, choqué. Ah mais les Canadiens sont ils ont Céline Dion en même temps, bon c'est normal. Kim Peek, est-ce que tu connais ce gars-là? Kim Peek? Kim Peek. Non, pas c'est du un tout. Beau jeu de mots d'ailleurs. Et non, en fait, ce gars-là c'était un génie. Écoute ce qu'il pouvait faire. Il pouvait lire 2 pages simultanément, une par œil. Waouh. Lire à la vitesse de 10 secondes pour une page. Il lisait un livre en 1 heure, il en retenait 98%. Mémoriser par cœur 12 000 livres en entier. Il a mémorisé des symphonies entières et il les jouait en commentant tout ça. C'est fou, non? C'est incroyable. Il faisait tout ça. Par contre, il a essayé, c'était trop dur. Quoi? Il a pas pu écouter l'émission jusqu'au bout, non? C'est au-dessus de ses forces. C'était les infos. Allez, retour des news inutiles demain dans l'émission. Greg, t'es là? Ouais, salut. Hey, salut mon Greg, ça va bien? On est là. Ouais, non, j'ai un petit souci avec ma copine, mais bon. Ouais, qu'est-ce qui se passe avec la copine? Avoir des avis. Qu'est-ce qui se passe? C'est assez bizarre, quoi. C'est elle gros veut suspense. La lumière tout le temps. Tu nous diras, enfin, tu nous diras quoi après Tiesto, ok? Bouge pas. So she gon' call her friends, and that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now your bitch wanna kick it, Jackie Chan. Drop top, how we rollin'? Down on call it South Beach. Yeah, look like Kelly rollin'. This might be my destiny. She want me to eat it. I guess then it's on me. I got you, know I got the sauce like a fucking recipe. She just wanna do it. This money in my hand, I know you. I'ma give it to her when she dance, dance, dance. Ay, she gon' catch a Uber out the Calabasas. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now your bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now your bitch wanna kick it, Jackie Chan. Now your bitch wanna kick it, Jackie Chan. Think you got the wrong impression about me, back. Just cause they heard what hood I'm from, they think I'm crazy. Okay, well maybe just a little crazy. Just a little. Cause I admit I'm crazy about that lady, Finger to the world, let's fuck you, baby. I've been slaving. Turn the pussy cause I'm running out of patience. No more waiting, no. Bouncing like a yo-yo. Living life on fast food. said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Jackie Chan. I can't wait for the show. Got that good, yeah, I know. You should not be alone. All this drink got me cold. Got me right, and I feel so alive. Ay, she don't wanna think, she don't wanna be no wife. She just wanna stay up late, she just wanna sniff the white. Can't tell her nothing, no. Telling nothing, no. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Ramenez-vous sur Fun. Tous les soirs, dès 20h, Mike retourne la Belgique. Je m'en bats les... Sur Fun Radio. Tous les soirs on fout le feu au pays les amis. Merci de nous avoir choisis, merci de nous écouter depuis le 27 août. On est là du lundi au jeudi de 20h à 23h. Et puis le dimanche aussi, session supplémentaire de 21h à minuit. Demain Daddy K est dans l'émission. Ouh, les amis. Demain ouais, ce sera le feu. Il va venir avec Nicky Sanchez en plus, qui mixera dans la play mix avant. Cette petite femme, ils vont venir en petit couple. On leur fera un petit questionnaire pour en apprendre plus sur leur vie privée. Ah. Il va nous parler de son spectacle, de son grand concert. Pour ses 30 ans de carrière, ce sera au Palais 12 avec plein d'artistes. Oh, ça va. On essaiera d'avoir des indiscrétions. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, il m'a dit non, je peux pas encore dire les noms des artistes, ouais, tout ça. Insister, mais il m'a dit je ferai des sous-entendus. Ah. Donc normalement, ouais. Soyez bien au taquet alors. On se renseignera et j'espère que Mireille Dumas sera de la partie. merci. Et sois concentré, Lorenza. Vous pouvez vous poser vos questions d'ailleurs à Daddy K pour demain, vous inscrire pour faire un jeu avec lui. Ça se passe au 3044 ou sur le Facebook, c'est Mike sur Fun Radio. Et puis, il viendra pas les mains vides puisqu'il aura des places à offrir les toutes premières places. Oh, il est généreux. On va récupérer Grégos qui est avec nous, Greg. Grégos. Ouais, salut. T'appelles de Molenbeek. C'est ça, t'es à Molenbeek. Tu as quel âge, Greg? 27 ans. Et tu as une galère avec ta meuf? Oui, alors j'aimerais, s'il y a des auditeurs qui ont un truc, ou vous-même, hein, si ça vous est déjà arrivé. tu es le frère de Lorenza. Fille. Ah, qu'est-ce qui se passe avec ta meuf? Vas-y, oui, raconte-nous. Pour Lorenza, ouais, si elle a des trucs, ou tu vois, enfin ouais, bon, bref. En fait, on fait l'amour dans le noir. Voilà, ah, donc. Comme tout le monde. Moi, non. Bah non! Voilà. C'est pas très intéressant. Moi, j'ai besoin de regarder, tu vois. C'est t'as les cinq sens, tu vois. Tout le temps dans le noir. Tout le temps. Ah, mais ça, c'est parce que t'habites à Molenbeek. Vous avez pas l'électricité là-bas, si. Oh, les bâtards. C'est raccordé déjà, si ils ont fait le nécessaire à le travail. Okay, d'accord. Mais écoute, bougies, sinon, hein. À la bougie, y a pas de souci, hein. Ouais, c'est vrai que c'est même bien. À la bougie, elle est là. L'électricité, y a la bougie, quoi. Et tu lui as déjà proposé ou pas? T'as déjà proposé cette solution? C'est mais ouais, mais elle a des complexes. Elle trouve qu'elle a des petites mains. Mais bon, les petites mains, tu t'en fous un peu. La fille, elle est magnifique, quoi. C'est un petit poupée, quoi, tu vois. Dites-nous, les amis, sur la SMS au 3044, sur le Facebook Mike sur Fun Radio, qu'est-ce qui peut vous bloquer pendant l'amour? Donc, a priori, toi, c'est de faire ça dans le noir. Qu'est-ce qui peut vous bloquer? Ouais, mais c'est surtout c'est quoi la solution, quoi? Comment je peux arriver à la faire changer d'avis? Enfin, je sais pas, dis-lui que tu vas allumer la lumière pour se concentrer sur sa beauté. Ça ouais, va passer. C'est joli, ça. T'aurais fait quoi, Lorenza, toi? T'as déjà essayé vraiment de la rassurer au max et de lui dire, écoute, belle, il faut quoi, qu'on y aille, t'es magnifique, j'ai besoin de te voir. Moi, tu y vas à fond, tu vois. À fond, tu donnes tout ce que t'as. Et franchement, j'ai dis, déjà donné fait un tout test. Ce que j'ai, en mode l'enveur, tout ça. Mais tu dis qu'on fait un test en mode un peu tamisé ou même avec les bougies, tu réessayes, tu persévères, quoi. Sinon, t'allumes la lumière pendant, hein. Ouais, comme ça, elle a pas le choix, c'est tout. Genre, t'allumes la lumière et voilà. Ça va peut-être la couper, tu vois. Elle va se dire, putain, tu mets la lampe torche sur ton iPhone. Soit ça va la couper, soit justement, elle n'aura rien à faire parce qu'elle sera en plein pendant l'acte. Elle aura pas le temps vraiment d'y réfléchir parce qu'elle sera occupée par autre chose. Donc, c'est peut-être une solution. Mais après, ça peut se comprendre si elle a des complexes et tout, qu'elle ait un peu de difficultés. Et peut-être que voilà, c'est juste la première fois, il va falloir la convaincre. Et puis une fois qu'elle aura vu que ça s'est super bien passé, que toi tu fais pas du tout attention à ses formes et tout. C'est aussi une solution, ouais. J'imagine aussi que, enfin, il faut qu'elle se rende compte aussi que, ben, elle va pouvoir te voir aussi, donc ça va aussi procurer plus de sensations, plus de trucs. Enfin, ça va être différent, quoi. Ça va être chouette. Faut lui vendre le dos. Qui est dégueulasse. Ouais. Mais non, dis pas ça, dis. Pas du tout, elle doit juste être complexée. On t'a pas vu physiquement, mais. Non, mais sinon, ouais, les bougies, franchement, c'est ce que je ferais à ta place, ouais. C'est super romantique. Et puis tu peux les foutre dans ses fesses directement. Arrête. C'est pratique. Tu t'es mis une bougie dans les fesses, peut-être. Je viens de tester. Bon, Greg, tu testes les bougies, ok? Ok, ça marche, merci du conseil. Avec plaisir, salut Greg. Et tiens Lorenza, je t'ai pas demandé, est-ce qu'il y a un truc qui te bloque comme ça en amour? Je déteste quand les mecs ils gueulent comme des fauves comme ça. Oh, ah, ça te bloque. Ah là, c'est mort. Moi, le seul truc qui peut me bloquer, je sais pas. Ah si, c'est à la limite s'il y a un animal qui me regarde. Ouais, ça je peux pas. Oh, c'est gênant. Ça, j'étais dans la pièce. C'est ouf. Ouais, je me dis que quitte à ce que le chien soit dans la pièce, autant qu'il participe, on fait un plan à trois. Attends, mais je veux dire. Oh non. Bah écoutez, celui qui n'a jamais fait de plan à trois me jette avec un chien, me jette la première pierre. Je vais te balancer. Aïe. Je suis de pierre. Kalash Makamoun avec Dems. On est sur Fun Radio. D'oxygène dans la couche. Dans le vide, je respire à peine. Le succès m'a donné des ailes. La même bitch qui me tournait les deux mains. Photo dans l'appareil, bientôt. Comme moi, comme mon aura fait mouche. Allô, la terre ici, y'a pas d'eau. Je loue comme un son de franc-maçon. Ils sont-ils vraiment à dono? Avant Dieu, y'a rien de toutes les façons. Agado. J'fais le show en lampo, oh un négro. T'as être lâché dans le dos. Et on fait tourner ça sans la couche. Un peu d'Amsterdam dans la bouche. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Une bouffée d'oxygène dans la couche. Yeah, yeah, yeah. Dans le vide, tu respires à peine. Le succès m'a donné des ailes. La même bitch qui me tourne les deux mains. Photo dans l'appareil, bientôt. Versus c'est pas tromper, vers succès c'est ne pas se tromper. Tant de billets jaune, vert, violet, j'ai tout nié, pas balancé. Tout est écrit, ouais qu'ils m'ont dit, les mêmes qui ont dit que j'arriverai pas. Jamais négro sans terre en vie, jamais négro ne baisse les bras. J'illumine, ennemi, imminent, pas de parole, pas de tact sur l'élite. Si je rime dans la ville, c'est que je suis sur les gens, grâce à la quatre pattes sur le bitume. Inoffensive je fus, une offensive je tue, une gencive de plus. Sur le bitume j'accumule un brouillard bagarre de rue. J'prends le réseau négro, je te laisse que le wifi. Au studio je fais que du sale, au studio tu ne fais que du bruit. Il tue pour prendre nos terres comme j'y bouge ça dans mes IP. J'ai toujours pas navigué, pourtant je connais que des rapides. Dems, dems. Un peu d'Amsterdam dans la bouche. Ah, yeah, yeah, yeah, yeah. Une bouffée d'oxygène dans la couche. Yeah, yeah, yeah. Dans le vide, je respire à peine. Le succès m'a donné des ailes. La même bitch qui me tournait les deux mains. Photo dans l'appareil, bientôt. Comme moi, comme mon aura fait mouche. Dans la ville comme une âme en vraca. En attendant qu'il tombe sous le haka. Chop chop comme King Kong au-dessus de Manhattan. Voilà déjà une blonde que je suis fracas. Allongé dans une tombe pleine de vieux tracas. Je viens d'un autre monde si je ne m'y fais pas. Que cela ne t'étonne, je viens de là-bas. Tout ceci est louche. Un peu d'Amsterdam dans la bouche. D'oxygène dans la couche. Yeah, yeah, yeah. Dans le vide, tu respires à peine. Le succès m'a donné des ailes. La même bitch qui me tournait les deux mains. Photo dans l'appareil, bientôt. Comme moi, comme mon aura fait mouche. Elle m'a fait gagner de temps, même peur, celle que j'aimais. Mon jus d'amour, sur dans le visage, j'ai pas que ma rage, j'ai pas regardé ce que j'ai pas des mots, car on répète. J'ai que des verres pour la dinette. À cet âge, de tous mes fils, les victimes me disent, j'aurais pas dû faire. Je crois qu'on a mis ses épées, là où personne sait qui je suis. J'suis ta mère, j'suis rôti, dans un zombie, squish. J'vois encore et encore, histoire de bien, mais d'or. J'ai l'occident, nouvelle vie, remonte sous les feux de la

soirées ne seront plus jamais les mêmes. Ooh, yeah. Mike, le soir sur Fun Radio. Hello papi, mais qui bazar? J'entends des bails atroces sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crache encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. En katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta katana, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. D'après toi. En katana, baby, tu dettes ça. En katana, baby. En katana, baby, tu dettes ça. En katana, baby. Oh, dja dja. Oh, dja dja. Oh, dja dja. Jusqu'à 23h sur Fun Radio. Et je ne suis pas tout seul, il y a Lorenza qui est là. Je suis Coralie, là. Merci les filles de partager vos soirées avec nous. Merci de nous écouter les amis, où que vous soyez en Belgique. Vous vous ramenez au 02 851 4x0. Ça c'est le numéro du standard pour nous appeler. Les SMS 3044, 50 centimes par message. Et puis le Facebook, c'est Mike sur Fun Radio. Vous envoyez un message privé, vous inscrivez à tous les jeux de ce soir. Vous pouvez nous dire aussi si vous avez des questions par rapport à la voyance qui arrive tout à l'heure. Voyance en direct, on fera avec Alex de Lovan. D'ici quoi, 15-20 minutes la voyance. Ouais. On sera un jeu du télé pour moi aussi. Si vous voulez tester l'amitié et vérifier si vos potes sont vraiment vos potes, vous pouvez vraiment compter sur eux. Vous appelez Fun Radio, on va les appeler, vous leur demandez un grand service, c'est le concept du télé pour moi. On se fait ça dans quelques instants sur Fun Radio. Dans la presse, on peut lire ce chiffre, écoute bien Lorenza, 73% des hommes disent qu'ils ne pourraient pas avoir de rapport sexuel avec une femme qu'ils n'aiment pas. Ouais, c'est n'importe quoi, les gros mythos. Bon, écoute, je commenterai pas ce chiffre. Bah oui, sans blague. Sans déconner. Non, mais c'est parce que nous, les hommes, on tombe vite amoureux. Oui. Non, et c'est vrai, oui. C'est pour ça. Oui. Cela dit, ça fait quand même 27% des hommes qui sont pas prêts à se taper n'importe qui. Ouais. Donc, 27% des sondés qui savent que si la personne n'est pas à ton goût, l'alcool est ton ami. Je rappelle, c'est le proverbe. Don Diablo. Le temps de jouer avec Mounir qui est là. Salut Mounir. Salut. Hello. Bien ou quoi? Ça va et vous? Bon ouais, tranquillement. Hein. Tu passes une bonne soirée Mounir, t'as bossé aujourd'hui, t'as fait quoi? Ouais, j'ai bossé en fait. Je viens de rentrer il y a pas longtemps en fait. Tu taffes dans quoi? Non, je suis célibataire. Tu travailles dans quel domaine? C'est quoi ton taf? Ah excuse-moi, je travaille dans une usine de tapis. Okay. Bah très bien, bon, big up tous ceux qui bossent à l'usine là, ça nous écoute beaucoup dans les usines. Ah, merci, ça fait plaisir. Ils font les 3-8 là, bon courage. Bon alors, on va jouer ensemble puisque tu t'es inscrit au 63-22, t'aimerais bien aller au festival Lollapalooza. Oui. Tu irais avec qui? Pardon? Tu sais déjà avec qui tu irais? Pour le moment, pas encore, mais sûrement avec un ami, pour le moment. Ok. D'accord. C'est bien, tu vas pouvoir faire un grand casting puisque tu auras deux places et en plus on gère tout, hein, le transport depuis la Belgique. Donc toi, t'es où? T'es dans quel coin en Belgique, Mounir? Je suis de René. Bah, le transport depuis chez toi, on gère l'hôtel et on gère évidemment les deux places pour le festival Lollapalooza. Sur scène, tu vas pouvoir applaudir David Guetta, Jonas Blue, Armin van Buuren, Reggae Bonneman, Dua Lipa, wow. Offenbach, Kaigo. La alors, totale. Pour ça, il faut gagner. Oh là là là. Il faut gagner au jeu que je te propose tout de suite. Je sais, ça vend du rêve. Alors, nous allons jouer à un jeu qui s'appelle Aroubobar. Ouais. Pour démasquer les vrais artistes des mythos, je te propose de jouer avec nous. Je te donne des noms d'œuvres modernes. Tu sais que parfois dans l'art, il y a des trucs assez chelous. À toi de me dire si ça existe vraiment ou si je les ai inventés, d'accord? Ok. Tu me dis art ou mytho. Et attention à chaque mauvaise réponse, j'ouvre la poubelle Fun Radio. On a une poubelle ici à Fun Radio dans laquelle on met tous les sons qu'on aime plus, tous les sons ringards, tous les sons dépassés. Et ça fait mal aux oreilles généralement. Okay, donc attention. Lorenza est là pour t'aider. Un Canadien, vrai ou faux, a réalisé un moulage en bronze des fesses du plus gros Canadien du pays. La sculpture s'appelle la grosse fessée. Franchement, ça paraît tellement ouf que moi j'ai envie de dire vrai, mais je sais pas ce que t'en penses, Mounir. Je dirais art. Tu m'as dit art? Ouais, c'est une mauvaise réponse, c'était faux. Ah merde, c'est un faux. J'ouvre donc la. Non, je t'ai écouté. Poubelle Fun Radio. C'est pas grave, il y a d'autres questions pour te rattraper, t'inquiète. Ouais, ouverture de la poubelle. Ah, mais elle est passée hier, elle. Mylène Farmer. Bon, allez, continuons. Est-ce qu'un artiste belge a créé la machine cloaca, dite la machine à caca, qui reproduit le système de digestion? Art ou bobard? C'est un mytho. Moi j'ai envie de nouveau de dire art, mais bon, je ne me fie plus. Enfin, tu vois, ne m'écoute plus parce que je la fin. Art, moi. Ouais, moi aussi. Ah, Coco aussi. Eh oui, c'était art. Bonne réponse. Il est génial. Ce gars-là, c'est un génie. Est-ce qu'une artiste du Mexique confectionne ses tableaux avec ses propres restes d'aliments? Ouais. Art ou bobard? Mytho ou pas? C'est art. C'est une bonne réponse. Yeah. Yeah. Est-ce qu'un Italien qui s'appelle Gilberto La Rosa a composé un tableau en faisant se déplacer sur une toile 40 limaces pendant 3 jours? Vrai ou faux? Je suis c'est dégueulasse. C'est vrai, putain. T'as l'image là des limaces qui ça. C'est dégueu. Ouais, c'est faux. Tu m'as dit faux? Ouais. C'était malheureusement vrai. Non. On rouvre donc la poubelle Fun Radio. Non. Attention, sur quoi on va tomber à cause de toi? L'amour. C'est pas ça. Je sais plus. Je sais même plus. Ben, c'est un son qui a bien sa place dans la poubelle. Bon, faisons les totos. Ça nous fait combien de bonnes, combien de mauvaises réponses? Bon, allez, 3 bon. Sur 2, ouais, ouais c'est bon. Sélectionné. Bravo. Oui. On te sélectionne, Mounir. Peut-être que tu seras rappelé vendredi. Entre 16h et 19h. Ouais. Si Samy et Chloé te tirent au sort, ce sera entre 16 et 19. Et il faut bien rester près de ton téléphone puisque il n'y a pas de session rattrapage. On t'appelle une fois et en plus en numéro privé. Privé. Donc, on le rappelle beaucoup, mais c'est parce que si vous répondez pas, on prend quelqu'un d'autre. Ouais, c'est mort donc, derrière, il n'y a pas moyen de venir négocier. Qu'est-ce qu'il y a? T'avais dit de quelle heure à quelle heure? De 16 à 19. Ah, ok, ça va. Ça va? Okay. Donc tu restes bien près de ton téléphone, poteau. Raccroche pas, Coralie va te réexpliquer tout ça en antenne. Je vous aime. Salut mon Mounir, on te kiffe aussi, frérot. Kiff, salut. Et tu nous écoutes tous les soirs, je compte sur toi pour en parler, pour parler de l'émission à tout le monde, d'accord? Bien sûr. Tous les potes et tout, ça fait plaisir. Merci Mounir, à bientôt dans l'émission pour faire comme Mounir pour vous sélectionner pour Lollapalooza. Je crois qu'il reste aussi des places pour la non. Oui. Alors on va pas mélanger. Lollapalooza, faut envoyer Festival au 6322. Non, vous envoyez Fun au 6322. On va faire un sélectionné dans quelques instants. On va se faire des défoulements aussi. Vous tous et vous tous en direct sur Fun Radio. Il y a du canular qui arrive du jeu du télé pour moi. Et puis Don Diablo, ça c'est pour le son dance floor. On se détend tranquillement. On est là au calme en famille le soir sur Fun Radio. Du lundi au jeudi de 20h à 23h et le dimanche aussi 21h minuit. Il y a Don Diablo sur Fun. You will always find those days when it's rough, but you need to feel existed. Keep it real and be persistent. No one can win if you wake up trying to get out of your skin. You're the one you have to live with. Slow it down, don't overthink. People that won't accept a no from you. There are those who won't see you as a person, just a your crowd a smile on their face. There are levels of emotions. Just don't let it get you over. There are people that will accept a no from you. There are thousands who see you as a person of success. Don't give in if you feel that it's not right for you. Don't you do it. Somebody's show. I know it's always no. Don't try to convince me. It's hard to face the world when words are left unheard. Wake me when it's quiet. Play the part in somebody's show. And no, it's always no. Don't try to convince me. It's hard to face the world when words are left unheard. Et bonne soirée. Wake me when it's quiet. Merci d'écouter Fun Radio. Mike. Jusqu'à 23h sur Fun Radio. Bim bam boum, on est là sur Fun Radio avec Lorenza, avec Coralie. Oui, on est en famille, en détente. Bim bam boum, yeah. Mais on se lâche complètement après 22h. Tu le sais, ouais, ma petite Lorenza, c'est la partie libre antenne de l'émission. Donc vraiment, on est en total délire. Skiffant. Zéro contrôle sur Fun Radio. Vous débarquez en direct au 02 851 4x0. On va écouter Clean Bandit dans quelques instants. Il y aura du Post Malone aussi. Kaigo Imagine Dragons. C'est un Niska, un petit Niska. Ah, avant cool. 23h, avant de retrouver Davy tout à l'heure pour Tout est possible. Et puis on nous demandait Maître Gims tout à l'heure. On vous le cale aussi avec le Corazon sur le dernier album de Maître Gims. Voilà. Dans quelques instants, on va faire le Défoule Room. Ouais. Je crois qu'on va récupérer Maxence qui est à Charleroi, c'est ça, ma petite Coralie. C'est Maxime, pas Maxence. Maxime, on va le récupérer dans quelques instants. Et puis on va dire bonjour à François qui est là. Salut François. Salut. Hello. Bonsoir François, bienvenue dans l'émission, ça va ou quoi? Ça va et toi? Bah oui, tranquillement, t'as 28 ans. T'es à Jette, t'as passé un bon week-end, François? Ouais, plutôt. Ouais, tranquillement, t'as fait quoi ton week-end? Oh, je me suis baladé un peu dans le centre-ville. Oh, sympa. Et tu nous appelles parce que tu veux rendre fou ton meilleur pote qui s'appelle Enrique, c'est ça? C'est ça. Enrique, à l'espagnol. C'est que dalle. Alors, c'est ton ami, ton meilleur ami de sa date de quand? Vous fréquentez depuis combien de temps? Ouais, ça fait une bonne vingtaine d'années, un peu plus. Oui. Ah oui. Ah donc c'est vraiment ton meilleur ami d'enfance quoi. Ouais, c'est ça. Tu le connais depuis tes 8 ans, tu l'as rencontré à l'école? Non, même pas, au scout. Énorme. Vous faisiez des bêtises avec les fougères derrière. Ah ouais, on connaît. On a bien compris le personnage, François. Ne bouge pas mon pote, on va le piéger dans quelques instants, d'accord? Ok, ça marche. I never meant to leave you hurting. I never meant to do the worst thing. Every time I read your message, I wish I wasn't one of your exes. No, I'm the fool. Since you've been gone, been dancing on my own. This boy's up in my zone, but they can't turn me on. 'Cause baby, you're the only one I'm coming for. I can't take no more, no more, no more. I wanna fool. So I'm so long. Soirée sur Fun. On est là en direct. Tous les soirs, dès 20h, Mike retourne à Belgique. Je m'en bats les couilles. Sur Fun Radio. Avec Lorenza qui est là, avec ma petite Coralie qui vous répond. Oh mon dieu, oh là, complètement pété. Vieille. Sortez du studio, mamie, je vous ai déjà dit que ce studio vous était interdit. Je veux mon whisky. Oui, allez voir monsieur Davy en bas, il va s'occuper de vous. Monsieur Davy. Oh, il est en bas, il est en bas. Allez-y. Je sens encore bien la chronique de mamie Simone tout à l'heure. Radio Simone, restez bien là, parce que dans l'état dans lequel elle est... Ça va être magique. Je rappelle que l'alcool est à consommer avec modération. Oui. De toute façon, quand on a l'âge de mamie Simone, il n'y a plus rien. Y a, voilà. Elle a le droit. Ah, elle a le droit, à son âge, je vais vous dire. Bon, on va s'écouter dans quelques instants le son de Post Malone sur Fun Radio. Et puis, on va récupérer Maxime, qui est là, à Charleroi. Ouais, Carolo. Oui, allô. Ouais, Max. Allô. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Bah oui, tranquillement, t'as passé une bonne journée. Ouais, les filles, t'y vas? Ouais, ça se passe. Hein. Tout le monde va bien. Ça va, t'écoutes l'émission, ça te plaît? Ouais, ouais, j'écoute l'émission et tout ça. Bah justement, là, j'étais en voiture et l'émission était là en direct. Ah! Et t'as entendu, c'est le concept de la radio, et t'as entendu que on pouvait appeler pour passer des coups de gueule. Et toi, t'as un coup de gueule à nous passer, Maxime? Ouais, ouais, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai ma belle-mère, sa maison, elle a brûlé il y a 6 mois. Bon, après, c'est que des dégâts matériels, hein. Y a rien de grave et tout ça. Mais elle est venue chez moi, en fait, le temps qu'elle trouvait quelque chose. Ouais. Et le souci, c'est que elle s'est installée, quoi, mais elle cherche pas ailleurs. Ah ouais, d'accord. Elle a pas de salon en plus, et disons que ça me gonfle un petit peu, quoi. Ah oui, tu m'étonnes, mais c'est-à-dire qu'elle te fait quoi comme crasse? Comment elle impose sa loi? Elle peut pas se trouver un appart, quand même? Ben, ouais, surtout, ben, déjà la télé, moi j'aime bien rentrer le soir après mon boulot et regarder ma télé tranquille, quoi. Ben non, elle, c'est sa chaîne qu'elle veut mettre. Ah ouais. C'est série à la con, j'en ai rien à foutre, quoi. Elle prend ses aises, quoi. Tiens, dites-moi, au 3044, ça donne une idée de question à vous poser. Votre maison brûle, vous devez sauver un seul objet, vous sauvez quoi? Quel objet vous prenez avant que la maison parte en ruine? 3044 02851 4x0. Et quoi, pour revenir à ton problème, si t'essayes de passer par ta meuf, elle en pense quoi ta meuf d'ailleurs? Ben ma meuf, allez, elle me comprend et tout ça, quoi, mais comme elle dit, ouais, c'est ma mère et quoi, tout, bah oui, il y a le respect et tout ça, je veux bien, même moi, allez, elle est plus âgée que moi, je lui dois le respect et tout ça, mais bon, à force, ça devient gavant, quoi. Bah écoute, c'est chez moi, disons que la maison, ben je l'ai achetée, quoi, donc allez, je suis occupé de l'acheter. Donc allez, c'est quand même c'est chiant. Mon intimité et tout ça, quoi. Ah, ouais, et surtout si elle impose sa loi et tout. À mort, c'est comment ça s'imposer de ouf. C'est surtout qu'allez, elle est pas sans rien, quoi. Parce que c'est une grande responsable, donc. Elle a de la thune. Le salaire et puis aussi. Ah, c'est même pas comme si elle se retrouvait à la rue si jamais tu refusais de l'héberger, quoi. Donc elle a les moyens de. Ah ouais, elle a les moyens, quoi. Ouais, mais à mon avis, elle doit kiffer d'être près de vous, quoi. Ouais, c'est ça. Ça doit être son kiff. Je pense bien. Ouais. C'est pas trop mon kiff, hein. On a dit au 3044, t'as qu'à foutre le feu à ta maison pendant que ta belle-mère est dedans. Ouais, c'est une mauvaise idée. Ouais, vas-y, Maxime. Je dis, c'est peut-être un de mes nouveaux fantasmes, hein, de taper la mère et la fille en même temps, mais. Oh non, allez. Tiens, Lorenza, si tu pouvais sauver un seul objet avant que ta maison ne prenne feu, tu choisirais quel objet? Est-ce que le chat, ça compte ou pas? Ouais, bah. Ah bah, mon chat, alors. C'est d'office. Moi, je suis tellement flippé, si ma maison brûle, je pense je rentre dedans pour vérifier quand même que j'ai bien fermé le gaz. On sait jamais. C'est vrai. Coralie, s'il y avait un seul objet comme ça. Bah mon chat aussi de base, mais ouais. Sinon bah toi. Oh, si t'étais chez moi et que tu te fais pas avec que voilà, je sais pas, ouais. Non, sinon rien, mon chat. Ah non, moi non, non, moi non. Ça c'est quoi? L'album mon intégrale de la compagnie créole. Oh non. Ah, on sait jamais si ça s'ambiance avec les pompiers. Oh, si ça finit en bal masqué, les gars, je suis chaud. On nous dit au 3044, moi, maison brute, je sauve direct mon chargeur d'iPhone. Mais pourquoi pas, tu m'étonnes, ouais, okay, chargeur, ouais, de téléphone. C'est clair. Parce que sinon, si t'oublies le chargeur, l'iPhone, t'as tellement de batterie, tu sors de chez toi, t'as le temps de dire à ta meuf, chérie, il y a un truc très très grave à te dire, en fait, j'ai... Et là, bah, c'est mort. C'est vraiment ça. Tu perds ta maison et ta meuf. Maxime, on se fait le défoule room. Allez, vas-y, je suis parti. Prêt à contre ta, contre, oh, ta, le cul, quoi. Ouais, contre, oh, ta belle-mère qui squatte chez toi. Ça fait combien de temps qu'elle squatte? Bah, ça fait 6 mois, allez, sa maison, ça fait 6 mois qu'elle a brûlé. C'est long là, ça commence à faire long là. Et qui ne veut pas partir de chez toi. Alors vas-y, mon Maxime, fais-moi rêver. 3, 2, 1, t'as 30 secondes. Vas-y. Go. Bon, Marie, maintenant, je vais te le dire franchement, j'étais calme pendant 6 mois, mais maintenant tu commences à m'énerver. Écoute, barre-toi de chez moi, tu commences à me casser les couilles. Hein, j'aimerais bien avoir ma vie de famille tranquille avec Joséphine. Donc maintenant, s'il te plaît, barre-toi. Trouve-toi une maison ou alors, je sais pas, mais vie à la rue, j'en sais rien, mais là, franchement, c'est plus possible. Le vie donc, à la rue, tu vois. Merci. La violence. Ouais, là, c'était très violent, là. Ah ouais, franchement. Mais on a marre, il en peut plus. Oh, il a beau. Une bien belle famille, Maxime. Est-ce que tu penses qu'elle écoute? Ah ouais, terrible. Non, mais voilà. Ben, écoute, je pense qu'en plus, chez moi, elle écoute parce que là, elle squatte le fauteuil, mais bon, des fois, elle aime bien mettre ma chérie-fille un petit peu à fond. En plus, c'est fun qu'elle écoute, donc j'espère qu'elle a l'écoute. Et comme ça, elle va bien comprendre, quoi. Je te souhaite bien du courage. En tout cas, si tu veux, on t'enverra le replay, histoire que le message passe. Ouais. Tu la mets, tu mets ça au réveil. Au réveil, ouais. Si on m'appelle le replay, je le ferai écouter. Avec plaisir, Maxime. Bonne soirée, mon pote. Et tu vois, ça va mieux après de passer dans le défaut. Tu veux faire une petite dédicace? Ouais, bien sûr. On t'écoute. Donc, j'aimerais faire une petite dédicace à Alicia et à ma petite femme, Joséphine. Parce qu'elle est, elle aussi, elle est en vadrouille, elle est partie voir ses copines. Donc, j'espère qu'elle m'écoute aussi et ben j'aimerais bien lui dire que je l'aime. Eh ben, message passé. Message passé. Il t'aime, mais vire ta mère, s'il te plaît. Ce serait pratique. Bon, ça va mieux, Maxime? Ouais, ça découle. Allez, bonne soirée, frère. Gros bisous. Merci à vous aussi, bisous à l'équipe. Bisous. Would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Oh, I did not believe that it would end, no. Everything came second to the Benz, oh. You're not even speaking to my friends, no. You know all my uncles and my aunts, oh. You know I said that I am better now. est là sur Fun Radio, merci de nous avoir choisi la famille. 22h23 en direct, on vous attend, un seul numéro pour nous appeler, c'est le 02851 4x0. SMS au 3044, on va faire la voyance en direct dans quelques instants. Alex Delovan, notre voyant médium, sera là dans quelques instants sur Fun Radio pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir sentimental, personnel, professionnel. Il y a pas un son chelou, excusez-moi, dans le casque? Non, non, c'est moi qui... D'accord, genre... que je change de drogue dans ces cas-là. Non, t'as raison, j'entendais un petit truc chelou. Il y a un son chelou, ouais, dans le son. Mais je pensais que c'était normal, c'était la voyance, donc ça faisait ouh, tu vois. Ouais. Et vous n'avez pas les images quand Lorenza fait ouh, sauf si vous regardez à la Funvision. Les amis, ça vaut le détour. Franchement, cette émission, il faut la suivre en Funvision pour avoir l'intégralité de tout ce qu'il y a à apprendre. Prenez tout ce qu'il y a à apprendre. Il y aura dans quelques instants Rudimental et Major Lazer. On va faire d'autres défoulements aussi tout à l'heure. Il y a un boss de la cinquième question qui est calé. Si vous voulez repartir avec du cadeau sur Fun Radio, vous envoyez maintenant SMS au 3044, 50 centimes par message, ou un petit message en privé sur le Facebook, ma petite Lorenza. Oui. On a reçu un petit SMS qui est trop mignon. Pour, tu vois, on avait posé la question, vous sauvez quoi, vous, s'il y a le feu et tout, ouais. Et il nous dit, je sauve mon doudou. Oh, ah, c'est trop mignon. Bon, bah, on peut continuer à en parler ensemble. 3044, les messages sur le Facebook, Mike sur Fun Radio. Il est là, Alex, ou pas, Coco? Il est là. Ah, Alex D, notre voyant médium. Bonsoir. Salut, Alex. Bon. Bonsoir tout le monde. Alexandre Delovan qui est avec nous comme chaque soir pour faire la voyance en direct. Si vous avez une question à poser à Alex, bah, il y répondra. Vous nous appelez maintenant. Vous pouvez l'envoyer votre question par message privé en laissant bien votre date de naissance, parce que normalement, ouais, Alex se concentre sur les vibrations de la voix. Ou alors il vous demande une couleur ou un chiffre. Mais bon, si ça passe par les SMS, la date de naissance, ça peut suffire, Alex, ouais, c'est ça? Exactement. La date de naissance me suffit. Il y a du monde pour toi au standard, Alex. On va les récupérer. Tu ne bouges pas. Génial. On se fait ça dans un très court instant. Le temps de faire le télé pour moi avec François. T'es toujours là, François? Ouais, je suis toujours là. Ouais, François. Alors, 28 ans, t'appelles de Jet. Et tu veux piéger ton meilleur ami, Enrique. Ami d'enfance, c'est ça? Ami d'enfance, ouais. Ça fait 20 ans que tu le connais. Ouais, François, tu nous as dit hors antenne que tu l'avais vu aujourd'hui. Ouais, exactement. Tu as passé la journée avec et tout. Est-ce que tu penses qu'il va quand même rentrer dedans? Est-ce que tu penses que tu vas quand même, ça a marché, que tu vas tout donner pour que... Ouais, j'ai déjà une petite idée, ouais. Ah, il y a du cadeau Fun Radio en jeu. Alors vas-y, explique-moi, parce que moi, je n'ai pas suivi les discussions en antenne. François, tu vas le piéger comment? On va faire le jeu du t'es là pour moi. Tu vas lui demander un gros service. Ok, bah en gros, je vais lui demander de me prêter sa vie. De te prêter sa vie. D'accord, très bien. C'est-à-dire? Vas-y, explique, bah, développe. C'est-à-dire que... Moi, je suis célibataire. Lui, il a déjà une copine avec deux enfants et tout et tout. Ouais. Et en gros, je lui ai demandé de me faire passer pour lui, donc que je sois le père de ses enfants et que sa femme soit la mienne. Mais pour quelle raison? On va inventer une place très haut placée qui demanderait d'avoir une famille, ou alors que j'ai pas su bien interpréter les choses, et de ce fait-là, ça s'est enchaîné comme ça. J'ai rien compris, mais on va tester ça tout de suite. Mon François, on va appeler ton pote Enrique. Ouais. Est-ce que vous êtes déjà à vous faire des vannes entre vous comme ça, ou est-ce qu'il va rentrer dans le jeu, tu penses? Honnêtement, j'en sais rien. C'est la première fois que je lui fais une grosse vanne comme ça, donc j'en sais rien. Donc, je peux pas vous dire. Si c'est la première fois, à mon avis, ça devrait fonctionner, du coup. Ouais, à mon avis, ouais. Et la première fois, ça devrait fonctionner. Oui, c'est ce que je disais aussi avec mon ex. Et bref, ça s'est mal passé. Allez, Enrique, on appelle tout de suite ton pote Enrique. Mon François, tu me le rends fou. T'as deux petites minutes, ok? Ça marche. Puis si jamais on sent avec Lorenza, on rentre dans le jeu. Ça sonne chez Enrique. Allô? Allô? Allô? Allô? Oui? Ça va? C'est qui? C'est François. Pourquoi tu m'as pas un numéro privé? Alors, je t'explique, j'ai un petit souci de batterie. Mais on m'a appelé là tout à l'heure, et on m'a annoncé un truc par rapport à l'hôtel que je peux pas vraiment refuser. Mais c'est assez compliqué à t'expliquer, et j'ai besoin que tu me rendes un énorme service. Quoi? Alors voilà, on m'a proposé la place de co-directeur de l'hôtel. Ouais, quoi? Et du coup, on a discuté vite fait, mais la discussion a été assez vite enchaînée, en fait, et j'ai pas pu placer grand chose comme parole. Et en gros, ils voudraient qu'on fasse un dîner à la maison avec ma famille, mes enfants, machin. Le problème, c'est que j'ai pas d'enfants. Comme tu sais, je suis célibataire pour l'instant. Donc, du coup, j'aurais besoin de me faire passer pour toi, tu vois. Waouh. Ouais. Tu t'as compris ce que j'ai dit ou pas trop? Tu sais bien que t'es la tête, je suis les jambes. Ouais, mais en gros, il faudrait que tu me prêtes ta maison pendant juste l'histoire d'un dîner, que tes enfants se fassent passer pour mes enfants, enfin que je me fasse passer pour leur père et ta femme pour la mienne. La copine qui dit. Bah pour ça, je peux m'arranger autrement. N'importe quoi, j'ai jamais entendu ça. Hein. Tu peux venir à la maison. Mais, attends. Et en plus, ils m'ont dit que comme j'avais une plutôt bonne situation, ils pensaient que j'avais un serveur et tout, et il faudrait que ce soit toi aussi. À quoi, un serveur? Ouais. Si c'est possible, c'est bon alors. On va demander, il faut que tu t'arranges avec toi. Ouais. François. Ouais, bon, on l'a raccroché deux secondes. On va le rappeler dans un instant, mon François. On le rappelle même tout de suite. Mais tu me le rends fou, hein. Il faut que ça aille plus loin, là. Tu commences à lui dire, je sais pas, qu'il faut que tu touches sa femme, qu'il faut que tu l'embrasses. Évidemment, il va refuser. Donc, fais le mec. Quoi? Comment ça? Tu refuses mon... Ça fait 20 ans qu'on est amis, tu refuses ça? Et en plus, tu vois, il arrête pas de te demander. Enfin, il trouve ça un peu bizarre. Et en fait, t'as qu'à lui dire que t'étais un peu gêné parce que tous les concurrents autour de toi avaient déjà une famille, étaient déjà un peu accomplis dans leur rôle. Et du coup, tu voulais pas passer pour le mec célibataire, tu vois. Donc du coup, t'as menti de base, en fait. Tu vois. Et dis-lui que t'as dit que ce serait pas mal si ta femme, enfin, savoir sa femme, pourrait faire quelques petites avances au patron histoire d'assurer le poste, ok? C'est nickel, ça. Ok. Vas-y, mon François, énerve-le-moi bien. Hein. On y va, tu me donnes tout ce que t'as là, ok? Ok. Ça sonne. Est-ce que soit dit que ça a coupé, hein? Ouais, allô? Ouais, ça a coupé. En gros, voilà, il faudrait que je puisse venir chez toi. Et puis, faudrait aussi que Léa fasse des avances au patron, comme ça, c'est bien pour que j'ai la cote au boulot. C'est-à-dire? Ah, des avances, quoi, tu vois, vite fait, quoi. Impossible. Bah, vas-y, impossible. C'est un rôle, hein. C'est pas comme si je te demandais la lune, là. Non, je veux dire, elle est trop réservée et timide pour faire ça. Écoute, donne-moi les, je vais lui expliquer, alors. Attends, elle est occupée. Attends. Tiens, je vais te parler. Marre, tu déconnes. Viens, allô. Allô. Allô. Ouais. Ça va? Ouais, toi. Ouais, bien. T'as entendu un peu ce que je viens de demander ou pas? T'as entendu un peu ce que je viens de demander ou pas? Bah, je t'ai expliqué, c'est parce que les autres, ils ont déjà une famille, ils ont déjà des enfants et tout, et voilà, quoi, je voulais pas paraître un peu... C'est pas parce qu'on n'a pas de famille que forcément on va pas réussir en tant que... Bah si, parce que les autres ils ont déjà tout, tu vois. Bah écoute, on va essayer. Hein. Et là, t'as ouais, même elle, dis quoi, sa soeur. Sa soeur, tu lui dis, elle va d'accord. Hein. T'inquiète pas, elle sait jouer de ses charmes, celle-là. Elle t'aura plus facile avec l'oreille qu'avec les... Crois-moi. Eh ben, belle famille. belle famille, franchement, sans déconner. Allô, allô. Ouais. Eh, franchement, comment il s'appelle le poteau? Enrique? Oui. Oui, franchement, t'as un super pote. Ah ouais, ah ouais. Alors là, depuis tout à l'heure, on essaye de te rendre fou. J'ai dit à François, vas-y, rends-le-moi le fou. Il n'y a pas moyen, t'acceptes tout ce qu'il veut. Je vais t'expliquer. Enrique, bonsoir. Je m'appelle Mike, on est sur Fun Radio. Tu connais la radio, là. Hello, Enrique. La radio de Belgique. Salut. Voilà, il y a Lorenza, il y a Coralie. Ah, Lorenza, salut. Salut. Apparemment, Lorenza. Attends, d'où tu connais Lorenza, Enrique? Hein? D'où tu connais Lorenza? Parce qu'apparemment c'est quelqu'un qui t'est familier. Avec la pioueur. Ah bah oui, bah voilà. Voilà. Grâce, merci d'avoir gâché l'ambiance, Cédric. Mon pote, il y avait François qui nous a appelé parce que c'est ton meilleur pote et il voulait tester ton amitié, il voulait voir si te demandait un gros service, si t'étais là pour lui. Et la réponse c'est oui. Bravo. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il est la tête, tu es les jambes et c'est mignon. Voilà. Ouais, ça fait 20 ans que je le connais, donc. Bah, ouais, François, mais... tu veux lui dire un petit mot? Ouais, merci à toi, t'es le meilleur ami chez nous. C'est mignon, c'est trop mignon. Bon, je vous embrasse, les amis, raccrochez pas, on vous gère du cadeau à tous les deux, ok? Ça marche, merci. Ça va. Bisous, salut les gars. As I walk through the water, so many things I see. And then I say to myself, it's never as it seems. 'Cause I am the one, I rule my world. Nobody rule my destiny. 'Cause you 23h, Mike, sur Fun Radio. Bonne soirée sur Fun Radio, en direct, où que vous soyez en Belgique. Ramenez-vous pour retourner le pays, pour foutre le feu dans toute la Belgique, juste comme ça, juste pour s'amuser. Une émission différente de tout ce qui se passe à la même heure sur la bande FM. On prétend pas révolutionner la radio, voilà, on est là tranquille, en famille, avec ma petite Coralie d'amour. Je suis là. Rappelle le numéro. 02 851 4x0. Il y a Lorenza également qui est là. Elle m'appelait comment? Lorenza, et qui est la petite pupute de la bande FM, comme on l'appelle. Oh, et puis il y a Mamie Simone qui squatte aussi, elle est dans le coin. Ça va, Mamie? Oui. À tout à l'heure. Non. Vous avez préparé votre chronique, Mamie? Je veux me faire chauffer. Ah, appelez pour chauffer Mamie Simone. Elle cherche encore un mec. Aïe, aïe. Quels sont vos critères? Pourquoi je fais comme vous? C'est Mamie Simone, ça fait toujours du bien. Sympa. Kaigo Imagine Dragon, c'est dans quelques instants. Et Alex D est avec nous, notre voyant. Je suis là. Alex, donc on rappelle ta page Facebook, c'est Alex D, coach de vie. On compte sur vous pour aller liker cette page. Tu vas répondre à toutes les questions que les auditeurs se posent. D'ailleurs, il y a une question qui vient d'arriver sur la SMS. J'aimerais poser une petite question. Ça va faire un an que je suis avec le père de mon fils. Et on vit la galère financière. Je voulais savoir si cela va s'arranger ou pas. C'est Maria de Liège. Elle donne sa date de naissance. C'est le 17-01-1981. Et celle de son mari, le 12-03-1987. Alex. Ok, y a de l'arrangement qui va se faire. Il y a une amélioration au niveau de la finance les concernant. Il va falloir attendre un petit peu une période de 6 à 8 mois. Mais j'ai l'impression qu'ils ont une aide extérieure par un organisme ou autre qui va leur donner un coup de souffle et les amener à pouvoir remonter. Bah c'est cool, c'est positif alors. Ah ouais. Pour poser vos questions à Alex, si vous êtes un peu timide, vous voulez pas passer à la radio, vous envoyez un SMS au 3044, 50 centimes par message. À tout est avec nous. Salut à tout. Salut. Hello. Ça va bien, tout, c'est super joli, c'est original comme prénom. Ça vient d'où? Merci. Ça vient du Vietnam. Bon, je vais pas te faire les vannes parce qu'on a dû te faire toutes les vannes possibles et inimaginables avec ton prénom. Non, ça va, je vais m'en 25 ans et ça va faire plaisir à Lorenza, t'es à Braine-l'Alleud. Ouais. Mais Lorenza, mais tu te rends compte qu'on est à la radio, qu'il y a des gens qui écoutent, désolé, putain. Je m'emballe. Je me calme. Bon, à tout, t'avais une question à poser. C'est vietnamien ton prénom, c'est super joli en tout cas. Oui. T'avais une question à poser à Alex, ça concerne quoi? L'amour. D'accord. Tu es célibataire? Non, je suis en couple. Depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans et 4 mois. Comment s'appelle il ou elle? Quentin. D'accord. Alors, Alex, t'écoute. Bien à tout. Ta date de naissance, s'il te plaît. Le 4 janvier 1993. 4 janvier 93, hein? Non, 4 juillet. Ah, 4 juillet, pardon. Et celle de Quentin? Le 4 septembre 1992. D'accord. Je vais te demander de penser à ta relation et à l'avenir de cette relation et tu vas me donner une couleur. Rouge. Écoute, pour moi, vous avez pu traverser des périodes un petit peu de remise en question, mais c'est plus par rapport à toi, où il y a eu, à un moment donné, pas une hésitation au niveau du sentiment, mais plus sur l'installation de la relation. Pour moi, vous avez dépassé certains obstacles qui va permettre, ensemble, d'aller vers une stabilité et vers une amélioration. Quentin, lui, de son côté, il a quelques efforts à donner encore. Hein. Et à partir de là, on dirait qu'il y a une stabilité, il y a une maturité chez lui qui fait que ça va lui donner l'envie encore plus d'être dans l'engagement de la relation. Vous en êtes où dans votre histoire, tous les deux? Ça va. Je sais pas trop quoi. Oui, ça va. Vous avez prévu de vous engager ou quoi? Ou c'est pas encore dans les plans? Habiter ensemble, Ouais, vous habitez ensemble déjà? Oui, ça fait un an et demi qu'on habite déjà ensemble. Là, on vient d'emménager dans une nouvelle maison. Et ça se passe bien? Oui, super. D'accord. Okay. C'est pour ça que pour moi, vous allez vers une évolution, vers plus de maturité. Il y a une construction qui est en train de se faire. Donc, il y a un avenir avec beaucoup d'espoir et de possibilités. Après, je pense qu'à tout, tu as un comportement ou des fois une attitude qui parfois peut donner un certain agacement ou pas. Mais il y a quelque chose qui... Tu te sens parfois pas suffisant aimé ou... est-ce qu'il y a autre chose? Ce serait étonnant venant d'une meuf. Je veux dire, ça, j'ai jamais vu une fille comme ça avoir besoin d'amour comme ça. Toutes les meufs sont pareilles. On n'a jamais trop aimé. Et vous engueulez souvent, à tout? Vous engueulez souvent? Non. Ça va, quoi. Enfin, comme tous les couples, quoi. Ouais, là, comme tous les couples. Il y a des sujets qui reviennent pour les disputes ou c'est souvent le même sujet ou c'est vraiment chill et c'est des petites disputes de couple normales. Ça t'a fait de la vaisselle. Ouais. Ouais, c'est des trucs comme ça. Ouais. C'est plus ces trucs-là. Ouais, voilà, c'est des trucs comme ça. C'est, bah, écoute, en tout cas, Alex. La routine, quoi. En tout cas, Alex ne voit que du positif pour la suite. Ça devrait se concrétiser. Et qu'est-ce qui te ferait plaisir, toi? Un mariage, des fiançailles, un bébé, peut-être? J'en ai déjà un, donc. Il y a déjà un petit. Des fiançailles. Ça va venir. Je pense que ça va venir. Et courant de l'année 2019, il risque de te faire une avance sur les fiançailles ou autre, mais il y a quelque chose, un événement qui se préparera dans les 2 ans à venir. Bon, bah voilà, c'est cool. Positif. Avec le même mec, on est d'accord, Alex. Hein. Ouais, pas avec un. Oui. Et bah voilà. Super. T'as ta réponse à tout. Super. Ouais, que du positif pour la suite. Je te souhaite plein de bonheur, ma chérie. À tout. Bonne soirée. Je vais juste passer un petit mot pour. Petite dédicace. Mon copain, d'ailleurs. Oui, vas-y. Bon anniversaire, mon cœur. Voilà. Et à la fin, vas-y, ça a coupé à la fin. Je t'aime très fort. Et ben voilà, c'est mignon. Des gros bisous. Ouais, bisous. Bisous, bisous, bonne soirée. À bientôt à tous. 02851 4x0, la suite de la voyance en direct à la radio après Kygo. Sur Fun Radio. Ici, ça change de tout ce qui se passe ailleurs à la même heure. Tous les soirs, prenez la parole. A space of freedom and no judgment. 02-851, 4x0, Mike sur Fun Radio. Grand open space de liberté, 100% tolérance. Vous débarquez en direct sur Fun Radio, c'est comme ça chaque soir, de 20h à 23h et le dimanche de 21h à minuit. 02-851, 4x0. Vous pouvez vous inscrire pour Radio Simone qui arrive dans quelques instants. Mon préféré dans l'émission. Ah, je kiffe. Puisqu'on même est là, si on a déteste, juste à écouter et à se toucher. Ouais. Et à laisser Mamie Simone travailler. Se toucher. Oui, on va pas raconter aux auditeurs ce qui se passe sous dans la table studios. Du studio. Alex, tu es toujours là? Oui, je suis là. D'ailleurs, Alex, t'as toujours pas changé d'avis sur l'avenir de l'émission. On t'avait posé la question il y a une semaine. Tu nous as dit que ça allait bien marcher, bien fonctionner. Oui, exactement. Ça va aller en progression. Mais j'ai juste une question auprès de Lorenza. Est-ce qu'elle a toujours l'envie d'avoir une deuxième chatte? Oui, c'est vrai. Si vous prenez l'émission en cours, vous inquiétez pas. Alex n'a pas craqué complètement. Lorenza envisage d'avoir de prendre un autre chat, voilà, une autre chatte, ça. L'animal. Oui, oui, bien sûr. Elle a demandé hier à Alex si ça allait le faire avec son chat actuel. Ouais. Et l'envie d'avoir une deuxième chatte est toujours présente, donc voilà. Envie d'avoir envie. Bon. Alors, Aurélie est là pour toi, Alex. Salut, Aurélie. Salut. Ça Hello. Va, Aurélie? Ça va. Bon, bah, bienvenue dans l'émission. T'es dans quel coin, toi, en Belgique, ma chérie? Oupay. Pardon? Oupay. C'est près de Liège. Okay. Ah, ok, très bien. Tu avais une question à poser à Alex. Ça concerne quoi, Aurélie? L'immobilier. Non, okay. Tu projettes de déménager? Non, en fait, avec mon mari, on a une maison en vente et on voudrait savoir si elle va se vendre assez vite. Ok. D'accord. Aurélie, ta date de naissance, s'il te plaît. Le 19 décembre 1986. La décision de cette vente de maison s'est faite au courant du début de l'année de 2018. Oui. Oui. En avril, il y a eu quelque chose qui s'est positionné par rapport à cette maison. Oui. On dirait que il y a eu. Est-ce que vous avez eu trois propositions qui n'ont pas abouti ou qui auraient pu aboutir mais qui n'ont pas été jusqu'au bout? Exactement. Vous allez avoir, il y a un changement positif, mais ça prend du retard sur la vente de cette maison. Il y a un petit blocage au niveau de la maison, je ne sais pas, mais est-ce que vous avez une hésitation ou est-ce que les gens qui viennent visiter cette maison ont une hésitation par rapport soit à un accès ou à une entrée ou il y a quelque chose comme ça? Non, à part peut-être le fait qu'il n'y a pas de jardin, que ça les bloque, je ne sais pas. Oui, alors c'est peut-être ça, parce que c'est pour moi, il y a quelque chose, dès qu'on arrive à cette maison, il y a un phénomène qui ne favorise pas, si tu veux, la vente de cette maison. Donc vous êtes vraiment, la maison est vraiment au bord d'une route ou... Oui, au bord d'une route, oui. Ouais. Je sais pas, pour moi, je donnerais peut-être un conseil d'apporter une touche supplémentaire sur le devant de la maison pour peut-être qu'il suffit pas de grand chose pour que ça donne vraiment l'envie de la vente de cette maison. Si vous vous débrouillez bien, je pense que la maison est bien communiquée en termes. Vous êtes avec des agences? Non, on vient justement d'arrêter avec les agences, qu'on a eu que des problèmes en fait. D'accord. Donc, juste aujourd'hui, on a arrêté. D'accord. Alors pour moi, il y a une bonne communication qui va se faire. Il se peut qu'il y ait une agence ou un intermédiaire qui puisse vouloir vous aider à vendre cette maison. Et on dirait que sur cette fin d'année, en tous les cas, une période froide, donc je pense que c'est courant de l'hiver, vous avez une promesse d'achat. Bon, ah, bah, c'est voilà. Une bonne nouvelle. Exactement. Il faut retaper un peu la maison, essayer de la rendre le plus présentable possible. Il suffit, Alex. Bah voilà, c'est pas une prédiction pour toi. Ok. Bah, merci beaucoup. Bah, gros bisous, Aurélie. Bonne soirée, au revoir. À bientôt. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de maison à vendre, j'ai maté Maison à vendre tout à l'heure. Tu sais, l'émission avec Stéphane Plaza. Ouais, j'adore. Si tu regardes à l'envers, c'est un couple qui fout Stéphane Plaza dehors parce qu'il a salopé leur maison. C'est assez intéressant. Alex, bonne soirée. Merci. Bonne soirée, Alex. Bah, mille merci à toi, encore une fois. Tu nous as impressionné ce soir, mon Alex. On rappelle ta page Facebook, Alex des coachs de vie. Et rendez-vous demain. Pour répondre aux questions que les auditeurs se posent. Bonne soirée, Alex. À demain. Bonne soirée à vous tous. À demain. Salut. Voici Sip sur Fun Radio. Et puis il y a Mamie Simone qui arrive derrière. Enfin, Mamie Simone derrière. Ouais. L'image est peut-être pas très bonne, non. Mais Mamie Simone arrive sur Fun Radio. Beggars can't be choosers, telling you the truth. You make it so damn hard to just not give a fuck. Bleeding out on the living room rug, but I'd pay a million bucks to think about anybody. Bonne soirée sur Fun Radio, 22h51. Davy arrive, tout est possible à partir de 23h. Mamie Simone. Oui. Bon, vous, on vous retrouve dans 5 minutes, mamie. Oui. A tout de suite. Elle est blasée, hein. Dans moins de 3 minutes, c'est le retour des délires. Jusqu'à 23h, Mike sur Fun Radio. Inédit, du lundi au vendredi sur Plug RTL, touche pas à mon poste. Ça va être la folie, ça va être n'importe quoi. L'actualité télé, revue et corrigée par l'inimitable Cyril Hanouna et son équipe de chroniqueurs. C'est scandale. Oh. Allez, c'est parti. Fou rire, défi et délire garanti. Et le patate là, wow. Touche pas à mon poste, c'est du lundi au vendredi à 20h sur Plug RTL. Plug RTL. Fun Radio. We're not in love, we share no stories, just something in your eyes. Don't be afraid, the shadows know. Like cardio, diamond district in the chain. Set up by you, know I'm gang. Compra todas las Jolambo, a mí me la regalan. I spend in the club, what you have in the bank. This is the new religion bank, el latino gang. Está toda servieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa. Ya mudé la Gucci pa' dentro de casa, yeah. Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah. Me gustan boricua, me gustan cubana. Me gusta el acento de la colombiana. Como me ve el culo la dominicana. Lo rico que me chinga la venezolana. Andamos activos, perico, pim, pim. Billetes de 100 en el maletín. Que retumbe el bajo y Valentín, yeah. Aquí prohibido mal, dile Charitín. Que per pico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín. Diamond District in the chat. Et bonne soirée sur Fun Radio, merci de nous avoir choisi la famille, on est là en direct. Tous les soirs, prenez la parole. A space of freedom and no judgment. 02-851-4x0, Mike sur Fun Radio. C'est moi, il y a Coralie également qui est là, qui vous répond standard, qui prend les inscriptions pour demain, qui check les messages sur le Facebook, Coco. Tout à fait, la page Mike Fun Radio peut vous inscrire pour les jeux pour demain du coup. Ouais, tous les canulars voulaient faire Lorenza full bordel, pourquoi prendre un peu le temps de le faire ce soir, c'est le vrai. Lorenza full bordel. Bah, ça me fait un petit moment de pause pour briser les coupes, tu vois. Un peu de courage, ouais. Lorenza, je te sens au bout de ta vie. Encore 5 minutes d'émission, ma chérie. On retrouve Mamie Simone qui est là, oui, comme chaque soir. Bah oui, je suis là, mais dépêchez-vous, on est en retard. Qu'est-ce que c'est, l'autre blonde, elle parle pour rien là. Ça va, mon petit bébé. Oh, oui, et toi, mon petit chouchou d'amour. Ma petite prunelle. Oui. Oh. Ah, c'est gênant. Ça devient gênant. Bon, jingle. Allongé. C'est Radio Simone avec la belle, la délicieuse, la sensuelle, la somptueuse Mamie Simone. Sur Fun Radio. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur Radio Simone. Nous allons accueillir Gurvan. Non, c'est l'autre qui est là pour l'instant. Ah, d'accord, elle a encore bien bossé l'autre. Jean-François, bonsoir. Bonsoir, Jean-François. Comment ça va bien?